N'avez-vous jamais imaginé être un insecte? Voler à travers les feuilles, parcourir d'immenses forêts de brins d'herbe et de fleurs géantes, explorer le labyrinthe de galeries d'une fourmilière, participer à des batailles épiques et faire face à des dangers titanesques, imaginer un univers infini où les échelles sont au-delà de l'imagination. Ici, l'Everest serait haut de 100 km. Un simple trou serait un cratère sans fond, un ruisseau, une mer déchaînée. Et une petite clairière serait un vaste territoire en proie à des guerres millénaires mais plomesques. Imaginez l'horizon où parfois se dressent des titans, où certains ennemis font des milliers de fois votre taille, dont seule la fuite ou l'esprit de corps peuvent vous sauver. Ici, la simple averse se révèle être un cataclysme et une petite brise un ouragan. Ici, une heure sont des années, et une journée, une vie. Eh bien, voilà le quotidien de nos héros du jour. Quatre insectes qui vont avoir la chance de vous faire découvrir ce monde. Entre rêve et réalité, ce monde de l'infiniment petit peut vous paraître infiniment grand. Accrochez-vous, bienvenue à Insectopia. Cela fait des heures que vous marchez à la recherche de cette créature. Vos pattes commencent à faiblir, le froid de la nuit ralentit vos mouvements. Vous sentez que vos mandibules, vos antennes, vous fournissent moins d'informations que prévu. Cependant, vous le savez, ce que vous traquez est un sang chaud. Ce qui veut dire que contrairement à vous qui êtes des sangs froids, le froid l'importe peu. Du coup, si il prend le dessus, vous serez perdu. Alors oui, il serait plus prudent d'attendre le lever du soleil, mais elle a laissé tellement de dégâts derrière elle, en une nuit, elle pourrait détruire une cité, et vous le savez. Vous vous devez de la trouver et de la tuer. Vous vous enfoncez dans les feuillages, la terre est humide. Il a plu récemment. Vous restez sur vos gardes, la moindre trace doit être repérée. Éclairé par vos lanternes, vous continuez votre traque. Pas par pas, vous pressentez que vous approchez du but. Bien entendu, vous restez au sol afin d'économiser une précieuse énergie. C'est-à-dire que combat dans un tel froid pour vous va demander déjà beaucoup d'énergie dans une lutte féroce contre cette créature. Donc vu ce qui vous attend, il vaut mieux économiser. Au bout de quelques temps supplémentaires, à travers les branches, un repos se fait sentir. Histoire de remettre un peu de myéline sur votre chitine afin de réchauffer votre corps et aussi profiter tout simplement pour vous reposer un peu. Le silence est total, vous êtes tous concentrés sur votre tâche. Dans ce silence, vous entendez un craquement. D'un coup, une énorme masse surgit face à vous. C'est elle, le sang chaud, en furie, le poil hérissé, le regard rouge. Vous avez à peine le temps de réagir qu'elle écrase une partie de vos compagnons. Vous voyez le sang couler, les compagnons déchiquetés. Vous devez de réagir. Mais pour cela, laissez-moi vous poser une simple question. Comment vous êtes arrivé là? Vous êtes au sud du royaume du croissant vert, qui est un royaume marchand, rempli de putères. Sur par les musulmans. Et vous êtes non loin de l'Asie de Lita. Ce qui vous a attiré, groupe de voyageurs que vous êtes, c'est forcément cette histoire d'attaque qu'il y a eu, selon vos souvenirs. C'est vrai qu'il y a eu ces séances en ce moment, la zone n'est pas à l'abri. Et du coup, tout simplement, le gouvernement a mis en place un appel aux aventuriers, aux gens les plus courageux, pour réussir à dissiper le mal qu'il y ait, sachant que l'armée du croissant, enfin, le royaume du croissant vert, pardon, étant un royaume marchand, sa principale activité n'est pas sur le combat ou l'armée, ce genre de choses, donc ce n'est pas les mieux disposés à se défendre, donc forcément, pour eux, ils connaissent que l'appel de l'argent, c'est ce qu'ils vont utiliser pour avoir de valeureux guerriers dans leur contrée. Vous êtes donc dans cette ville. Une ville putère assez classique, donc qui s'enfonce dans les sols, mais qui en même temps ressort et va dans les branchages, dans les feuilles. Des constructions assez assez carrées, par contre. Vous êtes du coup convoqué tout simplement dans la cour principale afin que on puisse vous expliquer précisément différents aspects de votre mission. Je vous laisse juste en une phrase un peu vous présenter entre vous, disons que c'est le moment où vous attendez dans la cour, histoire que vous sachiez de quoi est composé le groupe. Si vous connaissez un peu, vous avez juste un peu de trajet, mais je vous laisse vous présenter. On fait dans le sens Discord. Oh, vous présentez-vous comme vous voulez. Sens inverse. très bien. L'Ifurella est le nom que ma mère m'a donné le jour où je suis sorti de mon œuf. Je suis une maîtresse des pouvoirs. C'est quelle race ? Arakthis. Pardon ? Je suis une Arakthis. De l'ethnie des Éperi. Moi j'ai une saloperie. Qu'occupé ! J'en ai une sur mon mur en ce moment même. Ce n'est pas vrai. Eh bien, moi je suis Shra Farik, fille illégitime de Navik Farik et Merat Naven, c'est mon prénom. Je suis une Vespale. Pour savoir, parce que j'imagine qu'on aura peut-être pas tous la même religion, je suis animiste et je suis également extrêmement belle. Et extrêmement rapide. Ah, maintenant qu'il dit, c'est vrai qu'elle est extrêmement belle. Ah, c'est vrai. On va lui faire de l'œil. Pour les femelles. Pardon ? Ah, c'est mon tour, non ? Attends. Oui. Bon, alors, moi, c'est Goudla. Je suis un thermide et pas des moindres parce que je suis un riche reproducteur thermide. Et je suis riche, comme j'ai déjà dit. C'est tout ce que j'ai à dire. À mon tour. Vas-y, on t'écoute. Brute, guerrier scarabe entraîné à la guerre depuis jeune, je me chargerai de prendre les coups de mes alliés pendant que ceux-ci détruiront la chitine de nos ennemis. J'aimerais développer plus mon personnage. Alors, il faut savoir que j'ai deux en résistance. J'ai des bons jets en attaque et du coup j'ai pas de vie. Alors très bien, très bien. Donc des présentations plutôt courtes, oui. Pas basées sur la discussion. Je suis translucide. C'est vrai. Il a failli être fluo. Alors juste rapidement aussi pour que je visualise. Donc on a une araignée. Oui. On a quoi d'autre ? Un gros scarabée. Ouais, j'ai vu après. Une termite et une guêpe. Un gros scarabée noir en armure aussi. Et toi ? C'est qui toi ? Goula. C'est toi, connard. Moi je suis un termite. D'accord, je te montrais du doigt, je veux dire, c'est. C'est un con, moi. Et d'ailleurs, petit fait, mais comme Goula est de la classe des dominants, hein, puisque c'est un vil reproducteur, c'est une thermide ailée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous savez que les thermides sont plutôt seuls. Les thermides. Et donc voilà, donc c'est une thermide ailée. Mais mieux que ça, c'est une thermide ailée et transparente, translucide. Vous voyez ses organes à l'intérieur de lui. D'accord. Transparent, dû à la souillure. Non, translucide, parce que c'est comme ça, c'est une thermide. Hein. Les thermides sont translucides, hein, je suis désolé. Ouais. D'accord. J'ai la classe naturelle. Non, parce que à la limite, si t'étais devant la souillure, je serais venu te voir, je fais « Tu veux que je te soigne ?» Non, ça va. On dirait que tu es une apice solitaire à cet endroit. entre ton intestin et... Non, un peu de sérieux. Excusez-moi. Oh, ça si, ça c'est... On est là pour ça. Mais oui. Du coup... Non mais je suis pas maintenant. Du coup... vous voyez une putère arriver. Tout de suite, toi, Goula, qui est de la classe de dominante, tu reconnais que lui aussi, c'est une putère dominante. Et c'est une putère... C'est un vil marchand, ça doit être lui qui doit tout contrôler. D'un simple coup d'œil, tu le remarques. C'est entre gens de haute classe. Ah oui, oui, ça se voit. Oui, voilà, ça se voit. Tu vois, il est pas comme le reste du peuple. Oui, il est pas comme ceux qui doivent m'accompagner. Hein. Ah ouais, eux là, fou. Tu vois qu'il s'approche de vous, donc avec une petite garde personnelle qui le suit. Il arrive. Bon, vous avez répondu à l'appel, c'est ça? C'est oui, mon bon, bien sûr. Je pense qu'il parle en même temps, ce mec. Je vois que notre ami Termine a un grand sens du parler. Alors, effectivement, comme vous le savez, nous sommes plutôt en ce moment dans une impasse. Hein, le royaume du Croissant Vert ne va pas pour le mieux, des attaques incessantes, et on saurait dire le mal qui nous attaque. Et on a besoin de gens comme vous qui puissent un peu enquêter et mettre fin à cette chose. J'espère que vous êtes aussi efficace sur le terrain que pour soulever les questions. L'équilibre le sera rétabli. Tu vois, quand tu parles, il te regarde un peu avec du dégoût. Hein, faut pas oublier que t'es une race un peu exclue. Tu te regardes... Ah, oui, l'équilibre. On va lui maraver sa gueule à votre mal. Dites-nous tout ce que vous savez sur cette menace. Moi, personnellement, pas grand-chose. Mais je vais vous dire seulement ce que vous savez déjà, si vous êtes des gens éduqués. C'est-à-dire que... en ce moment, dans le royaume du Croissant Vert, il y a des attaques incessantes. Des troupes nomades se font attaquer, des troupes marchandes, même les nerfs-lules n'arrivent pas à pouvoir survivre aux attaques. Alors déjà que les animaux sauvages représentent un danger pour tout ce qui est les plumes ou encore les écailles. Notre UMJ, c'est comme ça qu'ils appellent tout ce qui est oiseaux ou tout ce qui comporte des écailles. Oui, c'est malgré tous ces dangers, on arrivait à bien faire tourner notre commerce. Hein. Vous savez que nous, on est plutôt riches. Mais oui, il y a des attaques et on n'arrive pas à déterminer la provenance de ces attaques. Et à la fois, ça ressemble à des éléments venant d'intres et en même temps d'animaux sauvages. On ne saurait dire d'où vient cela. Est-ce que ce serait des coquines? Ce sont les coccinelles. Qui... N'y pense même pas, Alain. J'ai rien dit. Ah, c'est une discrimination, c'est dingue. Qui aurait, comme elles l'ont fait à l'époque pour repousser les blafards, qui se seraient alliés au sang chaud pour nous attaquer. Enfin, pour attaquer les blafards, mais là, ça serait pour nous attaquer. Donc, on ne sait pas, enfin, on n'a pas vraiment de piste sérieuse, c'est pour ça qu'on compte sur vous pour pouvoir dénicher un peu ce qu'il y a en dessous et bien sûr punir les méclans qui osent faire ça. Mais dites-moi ce que vous en avez à faire. Quoi? Mais dites-moi ce que vous en avez à faire. Excusez-moi, c'est la musique qui vient d'être. C'est moi, il finit sa phrase hyper rapidement. Ça, c'est. Dites-moi ce que vous en avez à faire. Pourquoi ça vous intéresse qu'on enquête? Qu'est-ce que ça? Putain, il est sur le bruit. Allez, à partir de maintenant, tout le monde finit la phrase hyper vite. Non. Attention, celui qui parle lentement, on le tape. Non, vas-y, répète s'il te plaît, mais sans... Dites-moi, en quoi est-ce que vous en avez quelque chose à... D'accord, je comprends la question maintenant, merci. Ah ben, c'est mauvais pour C'est mauvais pour le commerce. Voyez, les gens qui se font attaquer, ce sont des marchands à nous. Ce sont des marchands itinérants qui vont dans d'autres contrées, qui vont dans l'Empire Zaban, qui vont fournir le royaume de Gao, qui vont finir tout le reste d'Antoma, j'ai envie de dire. Et si nous ne pouvons même pas partir du royaume sans nous faire attaquer, et c'est horrible. Et vous savez, on a déjà perdu énormément de quartz dans ces attaques-là. C'est absolument horrible, monsieur. Dites-moi qui profite indirectement au nom de ces attaques. Alors, ça me ferait réfléchir, mais là, tout de suite, ces attaques pourraient, j'ai envie de dire, profiter aux sticks, étant donné qu'ils sont eux-mêmes marchands. Mais vous savez, ce sont des marchands impurs, hein, leur marchandise, si j'ose dire, ne vaut pas la quart de la qualité de marchandise de chez nous. Mais cependant, ça m'étonnerait, normalement, étant donné que nous sommes plutôt en bon terme, mais sait-on jamais, peut-être qu'un groupe dissident pourrait faire ce genre de choix. Quelles sont les pertes ? Nous en avons beaucoup. Entre, je veux dire. Vous voulez dire ? Entre. Des pertes entre. On a eu depuis les débuts plus d'une bonne centaine, voire plus. Hein. Je n'ai pas ces comptes-là personnellement. Il faudrait que je me renseigne un peu auprès du peuple. Peuple. Du coup, serez-vous prêt à vous engager à chercher qui ose nous chercher du mal ainsi et les punir comme ils se doivent, et bien entendu votre récompense se comptera en centaines voire en milliers de quartz. Ouais, ça a l'air habituel. Pas de soucis, on y va tout de suite. Alors, si vous êtes d'accord, selon votre Vespal qui semble commander votre groupe dans une synergie incroyable. Oh, juste très communicative. Elle parle trop. Elle parle trop vite. La première chose sur laquelle je pourrais vous envoyer... Pardon. La première chose que je pourrais vous envoyer, c'est à la dernière attaque qui a eu lieu pas plus tard que ce matin, il y a eu des vivres qui ont été qui auraient dû arriver, qui ne le sont pas, et nous pensons que c'est une attaque, encore une fois, qui aurait pu s'attaquer au convoi. Alors j'espère ne pas me tromper sur ces pronostics. Je vous enverrai bien du coup là-bas vérifier sur leur chemin ce fameux convoi. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y. La la la la la la la la. Pardon, j'ai vraiment l'impression que Charlie s'est mis en vitesse x2, ça va. Très bien, et bah du coup, vous y allez. Enfin, vous y allez. D'abord, il vous indique sur la carte où c'est, parce que sinon, vous allez pas être... Non, on regarde pas, hein. Toi, tu ne regardes pas, on sait. Je peux lire une carte. Excusez-moi. Y a-t-il eu des survivants ? Des survivants d'attaque ? Malheureusement, nous n'en avons pas recensé. Ah, mais quel dommage. Ouais, mais enfin bon. C'est la marchandise. Ah. Il était pas très content. Mauvaise réponse. Au revoir, Charlie. Mais pourquoi j'étais dégo ? Mais t'as changé de salon ? Mais non ! Si ! Mais mon ordinateur s'est juste mis en veille et j'ai cliqué pour le redémarrer, pas pour que l'écran se rallume. Et bah t'as cliqué sur un autre salon. Merde. Bien joué. Très bien. Du coup, bah vous allez vous diriger. Non mais... Très bien, vous vous dirigez sans la Vespale qui reste sur place à regarder fixement notre ami. Mais c'est qui s'amuse à me changer là, sérieusement, j'ai cliqué nulle part. Dans ta bouche. Non, cette fois c'était moi. C'est vrai? Quel trou de cul! Mais quel enfoiré! Je bute le joueur qui s'amuse. Ou enfin, surtout le modo, j'ai envie de dire, à faire chier un de mes joueurs. Voilà. Je suis pas un modo. Tu es modo, Sato. Alors, très bien. Donc, pour une fois pour toutes, vous vous dirigez vers là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez un peu dans la ville? Enfin, est-ce que vous faites des préparations dans la ville? Est-ce que vous y allez directement sur le chemin YOLO, malgré la marche, ce genre de choses? Est-ce qu'on peut prendre des trucs de. Il y a des trucs de soins en vente, je sais pas. Oh bah ouais, c'était dans une cité plus tard, il y a un marché, je pense, si tu fais le tour. Mais il faut se déplacer loin ou... Alors justement, c'est une ou deux heures, enfin, ils estiment normalement le cargo, bien entendu, le convoi, était, enfin, la dernière fois qu'ils auraient eu des nouvelles, serait à une ou deux heures de marche. Une ou deux heures de marche. Vas-y, c'est combien un petit animal pour se déplacer dessus? C'est quoi? Ça existe d'acheter des petits animaux pour se déplacer? Alors, tu peux effectivement chevaucher un Sancho. Il y en a dans cette ville? Oui, mais pour chevaucher un Sancho, donc notamment ce qu'on sauvage le plus souvent, ce sont des Sancho, tu sais, poilus, ce sont ce qu'on appelle communément des rats. Voilà. Et donc ces Sancho-là sont très appréciés pour être des cavaliers, cependant, ça demande une certaine agilité. Est-ce qu'il est gros, Goula? Qui est gros? Goula, il est lourd. Genre, je pourrais le porter. Ah, tu es une Vespa, c'est une termite. Je pense que tu peux le porter. Enfin, à part si tu es spécialement gros, est-ce que tu es gros, Goula, physiquement parlant? Alors, si je. Non, j'imagine que non. Je pense que je suis plutôt maigrelet par rapport aux autres termites. Non, dans ce cas, ça va. J'accepte de te porter. Mes tarifs seront d'un quart de l'heure. Bon, je peux me l'offrir comme je veux, ça. Allez. Parfait. Donc du coup, Harik portera Goula jusque là-bas. Très bien. Au prix de 1 quartz de l'heure, hein. Retenez-le bien. Attends. Combien j'en ai déjà? Beaucoup. 144? Oh bah ça va. Ça devrait te coûter 4 quartz à peu près. l'aller-retour. Mon ami, du coup, Brute, donc Alan, du coup, tu vas aller voir sur le marché, c'est ça, s'il y a du. Du heal. Du cuir? Du heal. Ah, si on fait du cuir, je t'en vais. Mais t'es déjà en armure! Ouais, tu vois, je vais en rajouter! Un équivalent des potions de vie de 25 PV dans Skyrim, tu vois. Oui, alors, pas littéralement, mais il me semble qu'il y a des sortes de champignons qui servent aux soins. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mon écran affiché n'importe quoi, je suis désolé. Me semble qu'il y a des sortes de champignons, de petits champignons mignons, si cela t'intéresse. Ah bah, je m'absente le temps qui se retrouve. J'imagine qu'on s'est donné une heure pour se retrouver devant la porte de la ville. Oui, bah je suppose. Oui, bah en attendant, ouais. Maintenant que j'ai parlé avec Goula et que je sais qu'on je vais gagner de l'argent, et bah je m'absente. Très bien. Et pour quoi faire? Bonne question. Bonne question. Je ne veux pas savoir. Brute. Oui. Alors, du coup. Est-ce que tu dis aux autres que tu vas chercher les champignons? Je suppose que oui. Enfin, pas des champignons, mais acheter quoi. Je vais t'accompagner, j'ai des connaissances en médecine. Histoire que tu te fasses pas arnaquer. Oui, monsieur. Du coup. C'est bon ça? Et ça, c'est bon? Et ça, t'en penses quoi? Ça a l'air bon celui-là. C'est exactement ça. T'as tes champignons. T'es là, t'as envie de rechercher et tu tombes du coup donc sur le sceptre lumineux, donc qui est un champignon thermide, donc de la même race que Goula. Oui. qui est du coup un champignon connu pour ses facultés curatives. Donc tu vois un vendeur qui vend ça, tu peux du coup en Chine, une petite phase de replay, lui demander combien ça coûte ce genre de choses. En tout cas, je cherche à faire genre. Ok. Et okay. Là, je quand même, Brute. Vas-y, vas-y, oui. As-tu de l'argent? Est-ce que j'ai de l'argent? Oui, tu as 10 quartz. Oui. Espérons okay. Que ça suffise. Ok, bah je vais m'adresser à ce marchand. Hein. Ok. Tu vois qu'il va acheter ça, tu vois, vraiment. Le marchand. Phase de replay. Ça coûte combien votre champignon là? De quoi parlez-vous? Vous parlez de la pleurote enchantée ou du cep lumineux? Est-ce que je peux faire attends, un test de médecine? Il y a mon copain là, attends, tu veux pas m'aider? Celui-là là, celui qui brille. Celui qui hule. Du coup, tu voulais faire un jet, Valio, pourquoi? Pour déterminer quel est le champignon qu'on doit prendre, en fait. Comme ça, je dis à Brut quel champignon prendre, comme ça, Brut, il achète les champignons, et ensuite, on va au... Alors, bouge pas, ça me va. Tu as, du coup, cette culture générale, tu as conscience, tu as 5, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai 5 en conscience, et est-ce que ma compétence de médecine me sert à quelque chose dans ce cas-là? Ça serait plus pour l'appliquer que... Après, pour l'appliquer, il faut la connaître. Voilà. Ça me semble être une partie importante. Quand même. Mais en soi, enlever la difficulté de savoir... Peut-être là. T'as déjà 4 blats à choisir sur une des 4, donc t'inquiète pas que... Oui, 4. C'est moyen, comme difficulté. Je t'aurais, en fait, je t'aurais raconté, genre, si ça aurait été difficile, mais... Ah, voilà. Rouge. Ah, bah, putain. Ok. Bleu. Alors, dis-moi, entre blanc, blanc, rouge, bleu, tu prends quoi? Rouge. Oh là là. Alors... Franchement, quel... Alors, tu sais que dans les champignons thermides, c'est le cèpe lumineux qui sert à soigner. Par contre, tu sais que s'il y en a besoin, hein, le champignon thermide, il sert à stimuler l'activité sexuelle et la fertilité. Au cas où tu as envie de lui faire une petite blague, tu peux toujours le faire. Mais le champignon que vous cherchez pour soigner, c'est le cèpe lumineux. Et c'était quoi le nom de l'autre? L'autre, c'est la pleurote enchantée. Oui. Je le regarde, je fais « Prends du cèpe lumineux. » C'est ça qui heal. J'ai tellement cru. Je vais prendre le cèpe lumineux, s'il vous plaît. Ah, et ben pour le cercle lumineux, mon cher ami, il faut compter 15 quartz pour je ne sais pas dire. Pour un indigandre. Oula, je ne sais pas dire la mesure. Je recommence. Pour un drame. Voilà. Un gramme. Un drame. Un drame. Un quoi? Un drame. Un drame. Un drame, mais tu rajoutes Inde. Voilà. Un drame. Un drame. D'accord, un drame, très bien. Ouais, c'est comme ça, mais avec deux M et un F. Ok, donc ça c'est... Enfin, je peux en tirer quelque chose de cet un drame? Bien sûr. Eh, mais bah avec un drame, vous pourrez faire, si vous êtes... Vous pourrez, si vous êtes bien efficace, mais vous soignez à de multiples reprises, c'est la chose dont vous avez besoin si vous êtes en manque de vitalité, encore mieux si vous avez envie d'une bonne un bon massage décontractant, c'est aussi un parfait champignon pour ça. Et vous voulez pas me faire un prix, je vous le donne 8 quarts, c'est pour vous sauver la vie. 8 Mais voyons, je vais couler mon commerce si j'accepte ça. Il vaut mieux couler votre commerce que votre vie. Donnez-le-moi. Brut. Oui. Combien as-tu de quartz? 10. Nous feriez-nous l'honneur de nous... Auriez-vous l'extrême amabilité de nous le laisser, cet un drame, pour 10 quartz? Je vais me faire, s'il te plaît. Étant donné que tu es un ami Désolé, mais tu es un ami, tu sais, pas très attrayant, hein. Tu es quand même une Arrakis, c'est pas très très bien vu. On va quand même voir quand même comment il réagit à toi. Pour cela, je vais juste rapidement faire un petit test de phéromones pour voir comment ça se passe entre vous en échange de phéromones. Voilà, tu as... qu'il a un de malus. Donc tu es à... Exactement. Ah oui, c'est moi qui fais le test de phéromones. On est mort. Il a déclaré la guerre. Donc du coup, tu as... L'incident diplomatique parce qu'on voulait acheter un champignon. Ok, ça fait moins 1, donc tu en tires 2 et c'est moi qui choisis la couleur. Hey, I'm one de with the force is with me. I want the force, the force is with me. Alors, blanc ou rouge, qu'est-ce que je te prends? T'autorise une réussite critique ou est-ce que je te mets un petit échec? Eh ben écoute, je me dis, je garde échec pour plus tard, je t'autorise une réussite critique. Oh, que le MJ est clément. Oh oui, mais il ne le sera pas très longtemps. C'est pas Maxime? En plus, ça rime. En fait, j'hésitais. J'avais une bonne action, la partie pour pouvoir l'amener ouais. Après. Pour ça, je pourrais dire, mais non, mais je suis gentil. Donc, tu vois qu'il te regarde. Je sens que vous en avez vraiment besoin. J'accepte vos 10 quartz. Bah, du coup, tu lui donnes? Non. Bon, ok. Je regarde Brood. Vas-y. Je regarde Brood et je lui fais. J'ai pas de quoi. Ah, c'est pas grave. Je vais utiliser ma courtoisie et me retourner vers le marchand et lui dire. Je vous remercie, mon beau monsieur, de m'avoir aidé. Et je vais lui serrer la pince. Ok. Donc, le fermier qui va perdre sa main. Courtoisie. Alors, courtoisie. Case de l'interlocuteur. Très bien. Alors, tu as en courtoisie, tu as mis 1. 2. Donc, tu es à moins 1. Donc, pareil, 2. C'est moi qui choisis. Oh! Vert. Oh, réussite ou réussite? Bleu. Voilà. Réussite neutre. Non, c'est une réussite améliorée. Non, c'est pas une réussite. Ah oui, c'est vrai, et bleu, c'est une réussite normale. Ouais. Je connais mieux les dates que le MJ, lol. Non, mais j'ai confondu, ça arrive. Ouais. Non, mais si, ouais. Oh, ouais, non, mais oui, ça arrive. Voilà, ça arrive. Toi aussi, tu auras un plus 1. Ouais, ça arrive. Personne passe sous la table. Et toi, t'en as un moins 1. Parce que tu. Je l'ai senti. Ça arrive pas si souvent que ça, quand même. Bon, du coup, il te regarde. Oh, bah, on est là pour ça, pour marchander. Et il te tend, du coup, bah, une de ses de pinces. Bah, je vais lui serrer avec mes énormes pinces bien correctement la main, tu vois. Genre, oh, merci, genre plein de gentillesse et tout. Je lui serre comme un homme bien fort et j'essaie de lui broyer, en fait, sans faire exprès. C'est-à-dire qu'il essaie de lui broyer sans faire exprès. Non, mais tu vois le genre, je serrer fort. Mais ça va lui faire mal. On appelle ça un homicide involontaire avec prémédité. Exactement. Merci, monsieur. Et bah, du coup. Et je secoue bien. Merci, c'est gentil. Il faut en tirer. Deux. Et c'est lui qui choisit. J'imagine bien le gros scarab de 5 mètres de haut, comme ça, qui est en train de. Bon, bah, Alan. Noir ou blanc? Soit tu fais un échec, soit tu fais un échec critique. Le noir. Non. Oh non, putain. Il a joué à des sérieux. Le blanc. La, putain, non, arrêtez de me faire rire en plus. Je vais putain. D'accord, blanc. Ça aurait fait quelques petits dégâts bienvenus. Ouais, non, quand même. Oh là là, ça aurait été tellement incroyable. Mais oui, tu sais, il se casse la pince en voulant casser genre le scarab, tu sais, qui se prend une prise de judo par le thermide. Oh là là, ça aurait été... Ah putain. Du coup, bah, tu serres, mais ça passe, c'est trop petit. Ce qui, parmi ta pince, qui est énorme. Du coup, en fait, elle passe juste au milieu et t'as beau serrer, en fait, elle est en zone de sécurité et puis tu te lâches un peu. Mais je le remercie avec un air gogol. Oh, merci beaucoup, et je m'en vais. Donc du coup tu peux rajouter à ton inventaire par contre que vous avez un drame putain j'ai rêvé de cèpes lumineux Groot. Oui. Tu gardes les cèpes lumineux ou je garde les cèpes lumineux? Je garde les cèpes lumineux. Très bien. Cèpes lumineux, Groot. Je s'appelle Groot. Je sais, tu sais que j'y ai pensé. On aurait un scarab qui dit uniquement je s'appelle Groot. Ça sort de ça. Groot de Brutus ou de Groot. Et Groot a du coup maintenant 0 en quartz, comme Nifulra. Je vais faire la pince, la manche, la pince, oui. Non, du coup, après cela, avez-vous autre chose à faire ou rejoignez Shrarik et Gula Bah, on est prêt, hein, de mon côté. Ok. J'aimerais quand même questionner certaines personnes. Le problème, c'est que je suis une Arrakis. Oui. Donc, bon. Tu veux que je vienne avec toi? Nous questionner, Jean. Je suppose que tu dois être meilleur négociateur que moi avec des antres. Oui, moi, très courtois. C'est la seule chose qu'il sait faire, c'est de courtois. Je sais de courtois quand il le faut. Attention, messieurs. Très bien. Du coup, vous allez vous rencontrer dans la ville et vous allez poser des questions à des passants, c'est cela? Ouais, Dream Team is back in the town. Vous cherchez quel type? Parce que bon, il y a un peu de tout, hein, quand c'est une ville marchande, il y a des apis, il y a beaucoup de putères, parce que c'est quand même une ville putère à la base, mais il y a un peu de tout, il y a des termites. Est-ce qu'il y a des blatères? Blatère, je te fais une blatte. Tire-moi une blatte de chance, s'il te plaît. Juste une petite blatte. Non. Il n'y a pas de blatère. C'est bon. Donc, comment je suis serein? Bah, du coup, ouais, on va essayer de se diriger vers les zones marchandes pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a une idée de comment les gens disparaissent, comment les convois disparaissent, comment les caravanes disparaissent même. Ok. Du coup, tu t'approches vers un marchand, je te laisse discuter un peu avec lui. Sato, il fait des trucs chelous depuis tout à l'heure. Ouais, j'avoue, arrête de jouer à Vampire la Mascarade, s'il te plaît. Mais c'est pas moi, c'est mon ventilateur. Sérieux ? Je joue à Vampire la Mascarade. Non. Mais oui, c'est mon ventilateur qui fait vroom vroom vroom. Ventilateur. C'est mon ventilateur. Il fait pas vroom vroom vroom, il fait. Il fait. Tu vois ? Ah non, mais je touche pas à mon clavier. Bon bah, sache maintenant que ton ventilo détruit ton PC de l'intérieur. Et fait un bruit de clavier. C'est vachement bizarre. Je sais que tu joues à Vampire la Mascarade. C'est pas vrai. Sur mon autre PC, non. Bref, moi je vais baisser ton son parce que t'es chiant. Oh bah d'accord, ok. On va écouter, vas-y, viens. Bon, on attend du coup le replay du côté de Valio Boursouffleur niveau questionnement. Bonjour à vous, marchand. Bonjour. Nous aurions des questions à propos du mal. Ah, le mal. C'est celui-là qui frappe les gens. Celui qui depuis un petit moment met le royaume au plus mal, si j'ose dire. Il est pas rigolo. Pardon. Oui. On va établir une règle. Oui. Si c'est tu as là. Quelque chose de méchant à dire, oui. Tu le gardes pour toi. Oh, après. Là, c'est juste. C'est sympa. Le MJ indique. D'un côté, vous le saviez, c'est un scarab et les scarabs sont très francs et très droit au but. Hein. C'est quelque chose de tout à fait normal chez les scarabs. Oui, mais c'est pas courtois. Ah oui, totalement. Je te laisse le dire. Mais pour vous dire, c'est pas juste lui qui est con. Bon, déjà, c'est un scarab, mais peut-être un peu con, mais du coup. Disons c'est quand même dans la nature de. Il est plus scarab que la moyenne. Voilà, c'est ça. Mais vous savez, c'est quand même dans la nature de base. Le RP de la moelle. Du coup, ok. Bon, qu'est-ce que tu voulais savoir sur le mal? Vous avez dit que ça dure depuis un certain temps. Oui. Bien. Eh bah. Longtemps. Ça fait beaucoup de temps. Ça fait. En termes de. cycle, si j'ose dire. On parlerait peut-être pas de cycle entier, mais je dirais... je t'en reviens, Toto. Au moins... un cycle que les rumeurs tournent, hein, de, peut-être. Filiol. Mais si vous avez peur du mal, sachez que je vends des services de protection pour traverser le pays. On n'a plus d'argent. Ah, bah je peux rien faire pour vous alors. Route. Oui. C'est genre en gros après le gars il se barre ou Non, là il vous regarde en mode qu'est-ce que quoi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour vous demander de nous escorter. Nous sommes là pour vous demander, enfin pour vous poser des questions sur le mal. Pourquoi poser des questions si vous voulez pas être escorté? Parce que nous sommes, comme qui dirait, déjà une escorte. On va se le faire. Tu sens ça, quand même une odeur de phéromone un peu hostile. Tu sens que tu commences à le faire chier. Bien. Enfin, toi non, mais Scarab, oui. Parce que toi, tu es une actrice. Tu vois, toi, les phéromones, c'est pas ton truc. Je sens que je commence à le faire chier. Ouais. Ok. Bah, je vais commencer à être courtois avec lui alors, mais pas. Oh là là, ça doit être tellement bon. Dès que tu dois être violent, on dirait que t'es courtois, ok? Pourquoi tu crois que j'ai pris ça? Brut, sois oui. Courtois. Monsieur, vous n'auriez pas quelques indications à nous donner sur notre mission au moins? N'importe laquelle. On peut pas avoir votre escort ni se payer vos protections, mais au moins des informations, s'il vous plaît. Ok, alors du coup. Attaque, spy 2, essayez qui choisit la couleur. Blanc. Alors blanc ou. Blanc. Blanc ou blanc. Je vais prendre le blanc. Ah là là, dis donc, TG en ce moment. Du coup, non, bah, je suis occupé, désolé, mais moi j'ai des clients hein, à m'occuper, je ne veux pas rien faire pour vous, allez demander ailleurs. Vous voyez qu'il commence à partir. Bon, très bien, mais vous m'accepterez bien une petite poigne de pince quand même. Et il va partir. Je le rattrape. Monsieur, les politesses. Lâchez-moi, je suis en train de travailler. Vous n'êtes pas très courtois. C'est à ça qu'il changeait d'accent. Mais c'est normal, il en rentre énervé. Il met un coup de pain sur la gueule. Genre pour l'assommer. Ah, t'es sûr? Tu fais ça en plein milieu de la cité. Le scarab qui enfonce le mec devant lui dans le sol, comme ça on voit plus que la tête. C'est pas létal, là, c'est juste. Ah, toi, parlez mieux. Toi, pas courtois. Oui. C'est pas de taper sur les autres intres, s'il te plaît. Et il est pas courtois. Oui, mais bon. Malheureusement, tout le monde n'est pas aussi courtois que toi. Je vais le taper. C'est pas courtois. Mais je lui dis pas, j'y vais. Ok, t'es sûr que tu le fais? Oui, je lui mets juste un coup de pain sur la gueule, et ensuite je me casse. En fait, disant, pas courtois. En fait, comme ça, je suis sur l'épaule de ces deux, je suis sur l'épaule de Brute, comme ça, je suis son petit ange, comme ça, c'est pas courtois. C'est pas courtois. Très bien. T'assumeras les conséquences. Tu me fais, s'il te plaît, un jet. Mais non, mais c'est juste un petit coup, c'est rien. Ah, c'est une agression, hein, tu te démerdes. C'est là qu'il va faire rouge, il va buter le gars. Rate. Le. Voilà. Donc, bah, tu arrives vers lui, tu lui donnes un coup, ce qui va pas forcément. Mais non, mais c'est je le pousse un petit peu, tu vois, je lui donne un petit coup, genre, pas courtois, je veux pas le détruire. Non. C'est bon, d'accord. C'est, bon, bah, tu le pousses un petit peu. Oui, voilà, pas courtois. Un petit coup d'épaule. C'est ça. Je le passe. Ouais, non, il va mourir. Ah, bah là. Ok, bon, tu le fous juste, ok. À part des phéromones d'hostilité, tu sens rien de spécial, tu vois, qui se casse. Je m'en vais. Je punis la non-courtoisie. C'est pas grave, bro. Tu seras courtois la prochaine fois. Oui. Moi, pas comprendre pourquoi j'en pas courtois avec moi. Je vais plus en pouvoir avant la fin de la soirée, c'est pas possible. Du coup, vous continuez rapidement, je pense, à interroger tout ça, mais il y a peut-être vos amis qui s'impatientent aussi. Oui. Normalement, vous avez donné une heure. Bah oui, donc comme l'heure approche, Brute. Oui. On doit aller au point de rendez-vous. Oui. Allez, viens. Oui. Très bien. Du coup, bah, vous les rejoignez, vous voyez bah, Goula et Shrafri qui sont en train de parler, il me semble, c'est ça? Vous avez fait quelque chose de particulier durant ce petit moment d'absence où ils sont partis? Non, moi j'ai dit, moi j'étais absenté. Je suis allé de mon côté. Ok. T'es absenté. Puis t'es revenu. Alors. Exactement. Goula, qu'est-ce que t'as fait, toi, seulement ton point? J'ai oublié que j'avais coupé mon micro déjà. Moi je me suis acheté à boire et à manger. Ok. Parce qu'il faut bien survivre. 4 quarts, donc ça fait qu'il te reste 140 quarts. Putain, t'es tellement pauvre, mec. Mais je fais ce que je veux. Ok. Donc, tu vas vous rejoindre du coup au point de rendez-vous au moment prévu. Et vous commencez à aller vers l'endroit qui a été indiqué sur la map. Vous y allez au vol ou en marche? Route. Oui. Tu sais voler? Oui. J'ai des ailes. Alors on va y aller en volant. Tu peux me porter? Oui, je pense. Alors on va y aller en volant. J'ai juste vérifié une petite info. Le personnage super mono, enfin, super calme, et l'autre un peu bourru. Okay. Alors effectivement, tu peux étant donné que un scarab est en moyenne un peu plus grand qu'une Arrakis. Non, en moyenne. Après, je suis pas spécialement une très grande Arrakis non plus. Hein. Voilà, donc ça va. Ah tiens, d'ailleurs, je vais vous donner les échelles, comme ça vous saurez à peu près vous situer. Là, actuellement, du coup, où on a une Arrakis, une Vespal, et quoi d'autre? Une Thermide. Ok, donc le plus petit, c'est la Thermide. Donc Goula, tu es le plus petit d'entre eux. Vient ensuite la Arrakis, puis... tiens, attends, elle est où là? Ah non, pardon. Avant l'Arrakis, c'est la Vespal. Puis vient l'Arrakis, puis le Scarab. Donc le Scarab, c'est le plus grand d'entre vous. C'est très très grand. Enfin, pas très très grand. Et c'est pas le plus grand des races, mais c'est assez grand quand même. Les plus grands, c'est les Arrakas. Ouais, c'est la race la plus grosse. Tant des araignées Miga, j'ai envie de dire. Donc voilà. Comme ça, vous savez précisément où vous situez. Par exemple, vous savez quand vous regardez Goula dans les yeux, vous regardez tous vers le bas. Moquez-vous de lui. Petit monsieur. Quoi, petit être. Oh merde. Du coup, vous y allez au vol, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Vers l'infini et l'au-delà. Alors tu seras un peu moins rapide, notre ami Brute, parce que bah t'as quelqu'un sur toi, donc ouais, ça fait un passage. Alors, ça sera pareil pour la Vespa, donc la viste, ouh là là. En plus j'ai une petite armure qui me m'empêche de bien voler. Mais ça c'est déjà compris, t'inquiète pas. Donc par contre vous commencez le chemin. Par contre très vite tu remarques, tu es au moins 4 fois plus rapide que la Scarab. Alors soit tu traces sans lui, tu l'attends au bout, soit il va falloir que tu ralentisses et que... Non, je ralentis, limite ça m'a même économisé. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, du coup tu ralentis, donc tu passes du coup effectivement. Du coup en plus ça me fatigue moins comme ça. Ouais. Et donc, puis plus on est lent, plus le trajet dure longtemps, mieux je serai payé donc. Ah oui, pas faux. Non mais technique ils se valent, moi je suis d'accord. Donc vous avancez, Scarab, tu enfin du coup Scarab, Citaras, pardon, c'est Brute, tu es quand même assez lent, hein, genre limite t'avances quasiment aussi rapidement à pied, hein. Un char lourd. Tu es un char lourd pour le coup, mais comme en plus sur toi t'as une Aratis, c'est comme si vous étiez en train de marcher sauf que là vous êtes en train de voler, donc le gain de vitesse du vol vient d'être effacé. Hein. Oui, mais je me fascine pas. Non, bah alors toi t'es assis genre sur le dos de la Vespa et t'es en mode allez vas-y. Ouais. Genre, la pyramide allongée comme ça, les deux pieds en éventail. En sirotant ton sang-vie et en jetant tes quartz en l'air, en les regardant t'es retomber, en mode oui. C'est ça. C'est magnifique. Je suis heureux. Pendant ce temps, il a embauché des gens pour l'aérer avec des feuilles de palmier. Ah, j'aurais pu faire ça, mais j'étais pas sûr qu'elle puisse porter tout le monde. Donc, vous continuez d'avancer. Plus ou moins fatigant pour certains. Au moins, en fait, non, c'est genre, c'est pas fatigant pour trois d'entre vous, sauf ce que Brute, qui est en train de se fatiguer à la tâche. Non, mais si je me rends compte que Brute, il va aussi vite qu'en marchant, Brute. Oui. Si tu me portes et que t'essaies de voler, on ira aussi vite que si on marchait, c'est pas grave, mais repose-moi. C'est pas bête, je la repose. Et du coup, on se met à marcher. Ok. Ce qui fait qu'il sera moins fatigué et ses limites, en fait, il avance pas un tout petit peu vite. Mais bon, du coup, est-ce que la Vespa continue à voler quand même au-dessus d'eux Oui, moi, je vais voler, mais juste au-dessus d'eux, comme ça. Ah bah, de toute ouais. façon, goût la paix, hein. T'es pas veillé pour rien, hein. Très bien. Du coup, vous avancez sur le chemin. Le chemin est assez simple, parce que c'est un chemin marchand. Donc, ça a été construit. Il y a quelques petites structures ici et là. Vous pouvez voir de temps en temps des petites tours sur la gauche, construites avec du bois, mais des choses assez très primaires, mais qui suffisent pour un marchand de se reposer ou simplement de s'assurer la sécurité, parce qu'il y a souvent un ou deux gardes putères qui est là et qui peut aider en cas de souci. Donc, par contre, plus avancé, donc plus vous éloignez de la cité putère, et plus ça devient un peu rare, bien entendu. Enfin, ils n'ont pas construit ça, surtout en Toma. On ne construit pas sur tout un continent, ça serait beaucoup trop cher. Donc c'est juste pour sécuriser aux alentours de la ville, bien entendu. Au fur et à mesure, ça va devenir un peu plus sauvage, ce genre de choses. Mais franchement, il n'y a pas trop de difficultés. En sachant, Shrafari qui rentre voler, donc elle est tranquille en surveillant les herbes. Tandis que, par contre, nos amis Lifura et Brute, eux, doivent passer à travers les herbes et quartiers, ce genre de choses. Ça prend un peu plus de temps, mais n'empêche, de toute façon, le gain en volant serait pas si énorme que ça, dès que ça fait beaucoup de poids à porter pour lui. La boîte est puissante, il ne peut pas. Est-ce que je peux juste vous interrompre 2 minutes, même pas, juste pour que je vais me chercher un verre d'eau, parce que je... Bah cours, vole, pendant que ça vient. Je vais profiter du fait qu'il s'en aille pour poser une question. Ouais. À laquelle j'ai pensé, vu que je suis en train de chevaucher Shrafari. Oui. Mais dans cet univers, ça existe les relations interspécies? Comment ça? Répète. Ça existe les relations entre plusieurs insectes différents, là? Oh, mais bien sûr. Quoi? Ah ouais, ça existe. Le proxénétisme est un crime. Non, stop. Mais oui, pas de soucis. Bah, tu vois, les cirfs, donc les mouches, c'est la race du relâchement sexuel. Eux, ils couchent avec tout le monde tout le temps. D'accord. Yeah. Même avec les araques. Ah non, mais vous êtes à part aussi, vous comptez pas. J'aurais trouvé ça tellement flippant. Non, mais les araques, quand on dit tout le monde, vous êtes pas compris, c'est tout. Habitue-toi. Ok, d'accord, retiens, très bien. Comme ça au moins. Vous êtes. De toute façon, on vous aime pas. Personne vous aime, tout le monde vous a dans l'œil, ils sont en mode oula. Voilà. Bruce ? Oui. Est-ce que tu ne m'aimes pas ? Si, moi je t'aime. T'es mignonne. Oh putain, arrêtez de me faire rire, putain. Ah. Non mais en plus je me suis fait mal, bordel. Chaque fois que je ris, je souffre, bordel. Foiré. Ah. Tu sais, je n'osais pas te le dire, mais j'ai apprécié le contact de toutes tes petites pattes sur mon dos tout à l'heure. Ah, la relation super flippante qui commence. En plus, bande... Ah, t'es dans la merde, parce qu'en plus, les femelles... Ah non, c'est bon, t'inquiète. Le problème, c'est que là. Ce sera vraiment une relation à sens unique. C'est-à-dire que chez les Aractis, il n'y a pas de sentiment amoureux. C'est que... Ok. Ah, puis même l'amour romantique, par contre, dans l'univers, c'est assez peu... Genre, le sexe, c'est juste une histoire de phéromones et de... Les phéromones, ce grand truc que je ne comprends pas. Ah oui, alors toi, par contre, c'est clair, on te fait une parade de phéromones, t'es en mode... Quoi ? Pardon ? Bon, bah, lors de sa réponse, il y a ma corne frontale qui tombe d'un coup. J'ai la corne qui débande. Donc, vous continuez votre chemin parmi cette parenthèse sexuelle. Cette parenthèse hyper glauque. Ça finit toujours comme ça avec moi, putain. Mais donc, voilà, vous avancez. Donc, et au bout d'un moment, je vais vous demander de faire un jet, s'il vous plaît. De phéromone chacun. Alors, non, difficulté, bougez pas. Je vais vous demander. Bah non, c'est moi qui ai le bot. Ah oui, j'étais en train de me dire, attends, ça existe léger. Mais non. Donc, de 4. Ça. Alors, on va faire dans le sens. Goula, tu as 5 en phéromone, donc 4. Si je te dis 5 moins 4, tu me dis. 2. 2. Pourquoi 2 ? Non, c'est comme ça. C'est une blague, mais. C'était histoire de se dire que sur un malentendu ça passe pour gratter les points. Ouais, et puis si on est deux à le dire, ça passe. Donc, ça fait blanc, mais comme t'as fait un 1, t'as droit de dire ça me plaît pas. J'en veux une autre, mais par contre, t'es obligé de garder le deuxième résultat, même si c'est pire. Ouais, non, c'est bien blanc. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est bien. Blanc, c'est un échec. Bon, ça me semble sympa. Tu gardes le blanc ? Ouais. Ok. Donc le mec on a rien à branler d'échouer. Bah, je suis pas attentif, je suis en train de jeter mes quartz. Ah oui, c'est pas faux. on va passer à bon... avec ses quartz. 2 moins 4 ça fait moins 2, donc j'en tire 2. C'est moi qui choisis entre blanc et noir. Brute comprend pas tout. Bon, on va prendre noir, ça va pas faire grand chose de toute façon. Allez, notre ami Vespal, donc... putain, désolé, j'arrive pas à dire ton nom, parce qu'il est tellement grand, il est trop petit. Oui, oui. Shraf Rarik, fille légitime de Navik Rarik et de Maren... Merat Naven, alors, tu as 4, si je te dis 4 moins 4, ça fait 0, donc ça fait une blatte, vert. Bien joué. Bah, je le garde. De toute façon, t'as pas le choix, hein. À 0. Non, mais je l'aurais gardé. C'est... Enfin... Donc, 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc, 1, bleu, la couleur ne me plaît pas, je fais un rejet. Désolé. Blanc, voilà, un échec. Ah. J'aurais trouvé ça tellement génial si j'étais tombé sur rouge. J'avoue. Donc, Baraki, c'est Brute. Non, pas Brute, c'est Gula. Vous ne sentez rien de faire, vous êtes là de faire ce que vous faisiez déjà. Donc Gula, ça veut dire siroter ton sang-vie en t'amusant avec ton quartz. Ouais. Je suis tellement riche. Valio, donc Cliff, toi, bah, en même temps, t'es pas très très spécialisé en phéromone, donc bon. Qu'est-ce que ça porte pas trop sur ce que tu sens comme odeur. Par contre. Définissez phéromone. C'est ça. Brute, notre ami Brute. Brute, tu sens. Comment tu veux dire ça ? Tu sens qu'il y a une phéromone de quelqu'un qui apprécie ta compagnie, on va dire. Ça vient de qui ? Ça vient pas de moi, c'est un pauvre. Valio, t'étais sûr de ce que tu disais tout à l'heure. Quant à... Pardon. Alors, quant à Shrafrarik, fille légitime de Navik Frarik et de Merat Naven, tu sens une odeur de plus en plus acrée au fur et à mesure que vous avancez sur le chemin. Tu saurais dire à quoi ça correspond, mais il y a cette odeur et tu penses que plus ça va être fort, plus ça va être facile de pouvoir l'allier à ce que normalement, quel phéromone ça correspond. Mais il y a cette odeur de nacré qui commence à apparaître. Voilà. Cette relation romantique qui est en train de naître de rien du tout, putain. Donc, Red Run d'avancer. Je vous laisse, hein, bien entendu, si vous voulez. Je vais me rapprocher de ma lionnette. Toi, plaire, moi. Qu'est-ce que tu entends par plaire ? Accouplement. Ah. Oh, c'est pas de dégoût. Ah. Non, c'est genre... Non, c'est... Ah oui, c'est vrai. Le truc des intres. Tu comprends que c'est pas possible entre nous. J'ai pas assez de pattes pour toi. C'est parce que j'ai 6 pattes, c'est ça. Non, c'est juste que... Nos appareils reproducteurs ne sont pas assez équilibrés. T'as raison. Je te ferai trop mal. Et puis je vais m'envoler dans mon coin. Vous voyez qui s'envole, ce petit Z. Vous êtes des petites larmes qui coulent. Très bien. Du coup, vous continuez d'avancer. Toi, les phéromones qui sont actifs, et cette odeur est de plus en plus présente. Elle t'agresse vraiment. Shrafrarik. Par contre, les autres, vous avez rien remarqué de spécial. Vous êtes en mode YOLO. Dans ce cas, je vais me diriger au niveau des phéromones pour tenter d'identifier. Je vais prendre un peu de hauteur aussi. Tu prends un peu de hauteur. En prenant la hauteur, tu vois que l'odeur s'émancipe un peu. Tu avances. Et en avançant sur l'odeur, tu remarques qu'à quelques... on va dire centimètres, parce que j'ai plus les termes, mais à quelques centimètres de vous, il y a une charrette donc, qui pourrait correspondre, donc on voit, qui est détruite, donc des morceaux de bois un peu partout, et tu vois pas très bien la branche, mais tu penses qu'il y a sûrement quelques cadavres. D'accord. Charrette en vue. Quoi ? Il y a une charrette juste devant. Tu vois des morts ? Allons voir. Bon, bah, allons-y. Toi, t'as pas le choix, t'es sur son dos. Pied à terre ! Ok, les Artemis. Très bien. Du coup, vous atterrissez, vous arrivez. Vous voyez effectivement ce convoi qui a été détruit. Donc, est totalement détruite. Et y a, vous voyez un cadavre. On en voyait deux. D'intres, donc une putère ainsi qu'une termite. Désolé, Goula. Non, mon cher compatriote. Je crois qu'ils sont morts. Oui, Brut, ils sont morts. Je vous laisse. Oui, c'est trop triste. Bon, on va voir la marchandise. J'ai mal à mon termite. Donc, ok, tu. Alors, non, je l'ai pas tué, c'est jeu. Faut que je m'habitue, hein, mais. Ouais, ouais. Donc, ça va. Tu as le choix. Ah, rouge ou blanc ? Je pense que rouge, c'est bien. Ouais, c'est bien, rue. Non, rouge ? Ouais, c'est bien. Bah, ouais, c'est un jeu communiste, la réussite critique. Ah, parfait. Alors, du coup, le rouge me fait dire que tu vas voir, du coup, du côté de la marchandise et quelque chose te tape à l'œil. C'est que elle a été totalement détruite. Elle a été saccagée, mais rien ne semble avoir été volé. C'est-à-dire que il y a une quantité assez incroyable de marchandises. Toi qui es termite, tu connais aussi un peu cette histoire de marchands, hein, ce genre de choses. Hein. C'est, ton peuple est aussi assez affilié à ça. Tu sais à quoi ça ressemble un convoi, et surtout, il semblerait, de ce que tu regardes par rapport à ce que tu vois, mais ça, il se peut que ça soit un convoi tout simplement de marchandises thermiques qui allaient à la cité, puisque vous avez dit de toute façon que c'était des vivres qu'ils attendaient, c'était pas un convoi à eux. Et de ce que tu vois dans les marchandises écrasées, tout ça, t'en conclus premièrement que, fait très étrange, il n'y a pas, enfin, il n'y a rien qui semble avoir été volé, c'est uniquement de la destruction pure. Et ensuite, il y a cette histoire que c'était une. Un convoi thermide. Mm-hmm. Certains cintres ne veulent que voir le monde brûler. Je vais prendre de la hauteur pour faire le guet, entre guillemets. Et je vais inspecter les cadavres. Si je vois quelque chose au loin. Ok. Tu prends de la hauteur. Dès que tu remarques, dès que t'es un peu en hauteur, cette odeur est beaucoup moins présente. Et d'ailleurs, l'odeur est très très présente au niveau du chariot. Et je vois rien autour. Deux secondes, laisse-moi tirer ma. Ouais, dans mon coin, je vais chercher d'où vient ce. Si l'odeur est présente autour du chariot, mais d'où ces phéromones m'attirent, tu vois. Alors, blanc ou bleu, Shrafarik? Bleu. D'accord, blanc, alors. Mais. je rigole. très bien. Du coup, tu regardes aux alentours, tu vois. Rien de particulier, tu vois juste vraiment, mais vraiment très très au loin, une plume. Donc ces créatures qui sont simplement des oiseaux, donc tu vois un plume en rang de volée. Tu sais que s'il se rapproche, ça peut être un peu dangereux, il faudra vous mettre, vous abriter. Mais en dehors de ça, il n'y a rien qui attire ton attention. Ok, ouais, je le gardais en vue et puis. Très bien. Du coup, mon ami Brute, tu veux chercher qu'est-ce qui t'attire autant dans ce chariot là ? Oui. Alors, du coup, mon ami Brute. Alors, c'est blanc. Alors, blanc, tu regardes, tu cherches un peu et tu ne sais pas. Tu sais juste que ce phéromone est très très présent, mais où ça. Ça pourrait venir de quelqu'un du groupe, hein, tu te dis, hein, d'un côté. Hein. C'est moi. Je vais me rapprocher et renifler les autres. Là. Est-ce que je peux inspecter les cadavres, voir s'il y a quelque chose de particulier et en apprendre un peu plus sur leur mort? Les affranches patron, on sait que tu vas les bouffer. Oh là là. Oh, j'aurais pas aimé, moi j'aurais répondu à ça. J'ai regardé jalousement les cadavres. Putain, ça part trop loin, bordel. du coup, je vais utiliser. Donc, sphère de la vie. Mot de pouvoir, ouais. De la connaissance. Très bien. Du coup, c'est pour quoi? C'est pour voir comment ils sont morts, c'est ça? Pour voir qu'est-ce que je peux apprendre de leur mort. Ouais. Qu'est-ce que tu peux apprendre de leur mort en général? Ok. Donc, sphère de la vie, tu as. C'est lui, tu as un. Donc, ça fait plus qu'à ça. Fait... c'est bon. Ok. Donc, ça se fait. Hop. Dis-moi, blanc ou bleu? Ah bah bleu. Ah, dommage. Très bien. Du coup, tu regardes ce qu'il y a. Enfin, tu te concentres du coup pour utiliser ta connaissance de la sphère de la vie. Vous voyez que autour de lui il se passe quelque chose d'étrange. Toi, Scar, tu n'es pas habitué à voir ce genre de choses. Tu sens que c'est pas normal. Ah, bon, bref, l'Arectis est encore en train de faire quelque chose de bizarre dans son coin. Hein. mais la conclusion que tu peux en tirer, les Foulera, c'est que leur mort du coup vient d'une bataille, mais elle a une marque particulière qui est une marque acrée, et tu connais bien ça parce que tu t'y connais aussi dans cette sphère là, c'est la marque de la souillure. Oh fuck. Oh, c'est pas si grave. Souillure. À quel point? C'est-à-dire que c'était des. Est-ce qu'ils étaient souillés avant ou après leur mort? Alors ça, Il va me falloir... un test, sauf que je n'ai pas le mode pouvoir de la connaissance. Eh oui. Donc tu ne peux pas le je déterminer. Je ne peux pas déterminer ce qui... Tu sais juste qu'il y a une histoire de souillure dans tout ça. D'autant plus que je ne peux qu'altérer leur souillure. De mon côté, est-ce que l'oiseau s'est rapproché? Effectivement, il est un peu plus proche, mais il est encore assez loin de vous. Hein. C'est là pour l'instant, vraiment, il est vraiment dans l'horizon. Hein. Mais tu vois qu'il se rapproche petit à petit. Mais il a pas l'air de foncer. Je descends voir pour m'approcher des phéromones et entre guillemets enquêter. Ok. Donc tu vas, donc tu veux voir sur l'odeur acrée, c'est ça, des phéromones? Exactement. Très bien. Du coup, ça fait 5. Ok. Bah bleu. Chanceux. Du coup, je suppose que tu veux pas changer. Enfin, à part si tu veux tenter une perte, tu veux le rouge. Non, c'est bon. Bah, sécurité. Donc, tu te rapproches. Tu te concentres sur cette odeur acrée pour savoir où est-ce que t'as pu déjà la sentir. Tu es une vespale. Super comme info. C'est pas ça, connard. Tu es jaune. Tu te rends compte que tu es une vespale. Non, mais écoute, parce qu'il faut que je vois, est-ce qu'il y a une façon, d'une manière ou d'une autre, dans ton background qui justifierait le fait que tu connaisses l'odeur de la souillure? Eh bien, ça tombe bien que tu en parles. Eh bien, parce que destin, c'est ça qu'il fallait dire? Oui, destin. Eh bien, il se trouve que il y a un cycle environ, j'ai rencontré un vieil homme qui... enfin, un vieil homme, non. Attends, c'est compliqué comme exercice. Mes souvenirs sont un peu confus. Ah bah, c'était mon papy. Un vieux truc. Ah non, mais rien, en fait. Sinon, je me souviens bien, oui, cet homme était là et il nous avait justement raconté tout ce qu'il savait sur la souillure. Il était passé un soir à la maison, on l'avait hébergé. J'ai jamais su d'où il venait, ni qui il était. Okay. Et du coup, j'utilise ma dernière. Il est parti comme il est venu. La dernière. Le Batman. Ouais. Tu veux que je l'écrive? Ouais, comme ça, on est sûr. Ah oui, ok, je les ai pas reçus dans le même endroit. Ah ouais. Ouais, non, c'est bon. Ok, très bien, je vais noter. T'es juste con. D'ailleurs, possède, ouais, j'en ai utilisé une des miennes, hein, on est d'accord. Oui, total, utilisé une des celle de l'événement. Ouais. Et chut, c'est privé. Après, ils vont être jaloux parce qu'ils vont remarquer que vous avez pas les mêmes cartes. Oh là là, quelle révélation. Ok. Oh. Très bien. Eh ben, en fait, effectivement, grâce à cet homme, tu connais un peu l'odeur de la souillure, et effectivement, du coup, ça y est, ça te revient, cette odeur acrée, c'est l'odeur de la maladie Blafard, c'est l'odeur de la souillure à plus ou moins grande échelle, et là, vu comment elle est présente, grâce à ta réussite, tu peux dire que oui, c'est au moins des Blafards qui se cachent derrière tout ça. Enfin, derrière tout ça, enfin, tu comprends. Oui. Derrière tout. C'est un coup des Blafards. J'en suis sûr, je reconnais cette odeur. Ils sentent bon. Quoi? La tête à ce moment gênant. Est-ce qu'on lui dit ou pas? En fait, là, je le fais. J'aurais tellement aimé que là, les Fulras, en fait, soient une putain de migale, étant donné que eux, pour eux, dès que quelqu'un est un peu trop dissident, ils butent aléatoirement. On a eu la fin de Boursouffleur en 10 secondes. Ça sent bon. Il était déséquilibré. Il tombe, mes chefs. Oh putain. Non. Je m'adresse à Brot, je fais Brot. Oui. Ce que tu aimes est quelque chose de... au mieux complètement dérangé. Tout est subjectif, voyons. qu'est-ce que... Ah bon ? Mais pourquoi ça sent si bon ? Je ne sais pas pourquoi tu trouves que la maladie de la blafarde sent si bon. Mais je vais devoir te demander d'arrêter tout de suite. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas dans l'équilibre actuel des choses. Que je vais devoir agir contre ce déséquilibre. Ah ben si, je suis très équilibré. Je bois jamais trop de sang sans vie, parce que ça fait grossir. Non, moi ça va. Dit-il toujours si longtemps son sans vie, j'entends ses quartz. Avec, c'est comme ça, il a une petite paille dans son verre et son petit. C'était trop ça. Petite ombrelle sur son verre, comme ça. La petite rondelle de citron. Ça, c'est pas équilibré. Moi, je suis équilibré. Le déséquilibre vient malheureusement bien souvent de la souillure. Donc si tu voulais bien éviter d'en parler, merci. D'accord. Sinon tu pourras pas pécho. C'est pour ça que je me tais. J'avais bien compris, Esme, j'en ferais. Je n'ai même pas entendu, je suis parti. C'est trop bien. On a trouvé un moyen pour qu'il soit sage. Il faut que ça soit juste l'Arachtis qui parle parce qu'il est trop à fond sur elle. Moi, je trouve vraiment dégueulasse. Oh la putain de romance qui sort juste du fait que Shedron m'a dit que personne m'aime. Alors du coup, je demande à la personne la plus proche de moi. Tu m'avais jamais demandé ça avant. Oh putain! Putain, le. Bon, très bien. Non, mais. Ouais, je vous laisse quand même continuer votre enquête, hein. Vous êtes quand même là pour ça. Mis à part ça, je vais utiliser la sphère magique du temps, mode pouvoir connaissance. Comment? Explique-moi, il faut aller un peu plus loin. Je vais utiliser ma vision. Ouais. Enfin, ma vision par-delà la vision. Oui, par-delà le temps. Même. Par-delà la vision, c'est plus CosmoCat. Okay. je veux voir comment ils sont morts et qu'est-ce qui. Ou au moins à quoi pouvait ressembler la chose qui les a tués. C'est que ça va être d'une très grande difficulté. Je m'en doute bien. Très bien, tu prends le risque. Oui. Ça ne sera point facile. Hein. Espérons qu'il ne m'arrive rien. Je peux t'aider ? Je suis désolé, Brute, mais non. Brute qui va bouder comme ça. Je m'assois sur un rocher à côté de sa position. Et pendant ce temps, il va prendre des fleurs comme ça, il va essayer de confectionner un petit collier. Non, je vais arracher les pétales. Un peu, beaucoup, à la folie. Tu sais, il arrive sur rien du tout. C'est genre... Vous voyez, du coup. L'Arachtis se concentre, vous voyez, une sorte de petite sphère qui se tourne autour d'elle. J'ai le résultat, très bien. Du coup, question centre, Lifora, tu as quelques visions, c'est très très rapide, c'est très très non fluide, c'est des images charcutées, tu ne peux pas réellement voir ce qui s'est passé en détail, mais tu as quelques images qui te viennent, donc des images d'attaque, effectivement, de intres qui sont corrompus par Madi Blafard, mais à un point énorme, qui sont totalement difformes, qui ont des pinces énormes, ce genre de choses, ils sont vraiment corrompus jusqu'au dernier point, et ce sont quelques images que tu vois d'une extrême violence, et notamment de l'instant T de leur mort, donc le moment où le contact a eu lieu entre eux. C'est 3-4 images qui viennent comme ça, des images ultra rapides, ultra fluides, et tu reviens à toi, vous voyez tout simplement la sphère qui redisparaît, et Flora, tu as donc ces informations. Bien. Messieurs, mesdames, enfin les autres, quoi. J'ai bien l'impression que la source de l'attaque de cette. Ce qui a attaqué ce convoi n'était pas un sang chaud. Merci à Vespa qui l'a dit il y a 2 secondes. Ouais. Ah bon? Oui. c'est les blafards. Non, mais attends, c'est moi qui dis. C'est les blafards. Ce n'est pas un sang chaud, c'est plus classe comme ça, tu vois. Ce sont des blafards à un très haut point. Passionnément, poli, pas du tout. Brut, tu m'écoutes? Oui. Tu sais, il devient super timide comme ça, il touche ses doigts quand il me regarde. Il touche ses petites pinces, les grosses pinces plutôt qui font sa taille. Putain. Qu'avons-nous créé? Ah putain. Non. It's alive! It's alive! Oh mon dieu. Bon, du coup, c'est... Ouais, on écoute. Bah... comme nous le savons, comme j'ai l'impression que vous le savez déjà, oui, ce sont des blafards qui sont à l'origine des attaques de ces convois. Je sais pas si l'histoire du sang chaud est en fait à la base... Enfin, si ce mal considéré comme un sang chaud est en fait cette troupe de blafards, ou si cette attaque là était une attaque de blafards qui aurait pu profiter de la rumeur du mal. Bah en tout cas, ces blafards là ils étaient bien allumés, parce que d'après ce que j'ai vu dans tout ce qui transportait là, bah, rien n'a été pris, tout a juste été saccagé. Donc ils étaient complètement tarés, quoi. Peut-être qu'ils avaient envie de se venger ou de libérer leur frustration. Ça marche comme ça pour les êtres déséquilibrés. Mmh. Et du coup, ça aurait rien à voir avec le sang chaud dont on nous a parlé. Alors, je tiens à dire que le sang chaud, c'est une déformation que vous avez. On s'est mis d'accord que l'événement, c'est juste un mal. Vous ne savez pas d'où. Ouais. Ah, ok. Tout à l'heure, je referai qu'à demander. Il a même envisagé la possibilité que ça soit tout simplement des sticks un peu différents. Ah oui. Qui s'occupent. Le sang chaud, c'est juste parce que vous avez conscience de la scène finale. Là-haut, n'oubliez pas, vous êtes dans le passé, vous n'avez pas accès à ce genre d'informations. C'est vrai. Au coup, il se trouve que j'ai accès au temps. Mais ça, non. On ne dit pas de vision dans le futur? Alors, tu peux dans un futur proche, mais tu ne pourras pas aller jusqu'au point dans mon scénario qui me fait chier que tu y ailles, c'est tout. D'accord. Une sorte de barrière en scénarium. C'est ça, c'est une barrière dans le scénarium. Démerde-toi avec toi. Avec ça. Avec toi. Démerde-toi avec toi, tu me fais chier. Tu te gères un peu, là. Faut être grand, moi. Sois un peu autonome. C'est ça. Du coup, que faites-vous avancer? Un peu. Vous êtes... Vous avez pas beaucoup avancé, quoi, ça, c'est chaud. Il y a votre pote qui envoie des trucs chauds depuis tout à l'heure, là, c'est... Ouais, c'est d'arrêt. Mais c'est votre enfant. Émulion. Je ferai un DLC avec cette race. Alors... Le seul représentant de la race des larabés. Exactement. Mais là n'est pas la question, pour l'instant, on continue le scénario, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez étudier aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de juste sentir, vous pouvez regarder ce qu'il y a, vous pouvez... N'oubliez pas d'utiliser tous vos sens. Je veux checker, remonter, checker au niveau de l'oiseau. Ok, tu vas. Je tire une date de chance. Sachant que si je fais un noir, ça vient sur vous. Pour l'instant, toujours pas, il est toujours au loin, en train de survoler. Ok, je le surveille, je fais les gars, dépêchez-vous. Ok, pas ça. Dépêchez-vous, il y a... On appelle ça une plume. Exactement, une plume au loin. Parenthèse, ils font quelle taille par rapport à nous, ces trucs-là, en fait? Les plumes? Ouais, les même. Sortes de dragons. Bah, étant donné que vous êtes des insectes, c'est-à-dire que pour vous, quelque chose d'une taille normale, c'est genre 10 ans... Par exemple, toi, tu fais quelque chose dans les 10 instes. Enfin, 10 ancêtres, ça veut dire que ça fait 10 cm à notre échelle, et un oiseau bah, fait comme chez nous, à peu près. Ok. 40 cm, genre un truc comme ça, tu vois. Genre... Ok, ça marche, c'est bon, fermeture de parenthèse. En gros, voilà. C'est comme si tu te retrouvais face à un dragon. Voilà. Ok, c'est gros. C'est très très gros. En tout cas, par rapport à nous. De toute façon, c'est la seule échelle que vous connaissez. Bon, j'aimerais voir s'il y a des traces aux alentours. Très bien. C'est jamais. Aux alentours ou y compris sur la charrette? Enfin, toute la zone, tu passes au périphérique ou tu vas juste dans les alentours voir s'ils ont pas fui quelque chose? Je commence déjà par ce qu'il y a le plus proche possible de l'endroit. Ok, donc d'abord la zone et après tu t'éloignes, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors, tu as le choix entre vert, blanc, bleu. C'est vert. Bleu, c'est bien, non ? Non, c'est vert. C'est vert, vert, vert. J'ai pas de conneries. Vert. J'ai pas de conneries. Oui, oui, vert est au-dessus de bleu. Ouais, vert. Ok, vert. Donc, tu observes et en fait. Tu remarques dans le chariot qui n'est pas détruit à 100%, mais un endroit qui est en fait sur le côté droit qui a été moins. En fait, tout le côté gauche ouvert a été cassé, c'est là tous les morceaux de bois que vous avez au sol. Et enfin, c'est des branches de bois. Hein. Quand je dis du bois, hein, c'est pas un arbre qui a été coupé, pour vous c'est totalement impensable. Hein. Pour vous, du bois, c'est que des branches qui sont réunies, qui sont déchets tout simplement. Je préfère le mettre, comme ça on a tous la même image en tête. Donc du coup, tu as sur la partie par contre droite, le bois qui a été plutôt épargné. Sauf à un endroit où ça fait une forme qui, maintenant que tu te concentres dessus, au début tu n'évoquais rien, mais peut te faire penser à une pince, mais de taille supérieure à la moyenne, disons. Plus grosse même que celle de Brute ? Dans l'idée, oui. C'est une très grosse. Brute, qu'est-ce que t'as fait ? Mais non, non, t'inquiète pas, Brute. C'est un autre qui essaie de compenser. Wow. C'est vrai ? Mais oui, t'inquiète pas. Moi, de toute façon, je cherche pas à compenser. Moi, je suis fort. Je n'en doute pas. Je suis vigoureux. Dis-moi, mon cher Deus. Oui ? Ai-je les compétences pour pister la souillure ? Pour pister, c'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par pister, la souillure ? Bah, la souillure, ça laisse une trace. Oui. C'est dégueulasse. Est-ce que je suis capable de suivre cette trace ? Comme une odeur, comme une phéromone. Chez les antres. Tu peux, grâce à tes palpes, mais il faut vraiment que tu te concentres dessus, et dans ce cas, tu coupes à peu près tout le reste. C'est-à-dire que tu te concentres que sur ça. C'est-à-dire que par exemple, si t'en rentres faire ça et que d'un seul coup il y a quelque chose qui t'attaque, avait la fantaisie de la fantaisie de faire quelque chose dont nous tairons le nom ici pour les personnes on va pas duel quoi. Comment ? Quoi ? Hein ? Qu'avez-vous dit ? Non, il est bon, je sens vie quand même. D'accord. Non, mais c'est pas grave. Je reste focus sur la. Donc tu le fais ? Ouais. Ok, avec tes palpes. Donc ça veut dire que là, par exemple, estimons que je sur le jet pour Shrafarik, je tombe donc sur un échec critique et que l'oiseau attaque. Ça veut dire que tu ne pourras pas réagir à ce tour-là. Ok. Ouais, d'accord. Donc. Tu as 3, c'est moins 1, donc c'est moi. Bleu, ça me plaît pas, je retire. Bleu, bon, bah, c'était utile de retirer. Donc, tu arrives à suivre la trace, étant donné que malgré tout, c'est quand même assez compliqué, étant donné que la présence est assez grande, mais tu peux déterminer que c'est. Il y a deux directions différentes. Il y a seulement sur en gros à l'est et à l'ouest. En gros, ça vient des deux camps. Si on considère en gros que vous venez, ça marche pas parce qu'en fait vous êtes pas venu du nord. Mais disons que vous venez du nord parce que je suis très nul dans ce genre de truc. Mais si vous venez du nord, en fait, c'est est, ouais. Donc en gros, c'est sur la gauche et à droite du chemin. Il y a deux traces qui s'éloignent de... Aucune possibilité de définir laquelle est la trace d'arrivée et laquelle est la trace de départ. Non. D'accord. Donc on a une chance sur deux de prendre le mauvais chemin. D'accord. Ouais. Sachant que tu sais, alors c'est juste par information, mais ça va être très dur par contre de le suivre tout au long du truc. Hein. Enfin, il va falloir à chaque fois que tu réessayes des jets à chaque tour. D'accord. C'est quoi qui ronronne ? C'est mon chien. Je ronronne quand je suis content. Vous faites quoi ? C'est Ashraf Rarik là, non ? Ou alors Oula n'a pas agi. Je Moi, je suis censé observer aux alentours ouais. maintenant. Ok. Je vais juste aller voir du côté de l'oiseau. Je serai à Paris. Par contre, il se rapproche de plus en plus. Je serai à Paris. Bon, ok, les gars, on va pas tarder à décoller. Enfin, vous me comprenez. On va pas tarder à s'envoyer en l'air. Tu vas aller un peu plus loin. Alors. Alors, blanc. Blanc. Ou bleu. Non, bleu. Bleu. Noir. Noir. C'est le destin qui l'a dit. D'accord. Du coup, tu t'enfonces, tu vas un peu plus loin, donc dans les herbes qui sont sur le côté, donc tu vas t'enfoncer, ce genre de choses. Tu tombes, en fait, en avançant sur une petite flaque dans laquelle, en fait, il y a du sang d'intre. Donc tu supposes peut-être que l'un d'entre eux a été. Magnifique. Début. Eh, hey, venez voir, cher compagnon, je pense que j'ai trouvé du sang. S'il vous plaît. Très bien, je te suis. Bon. Ah oui, bah moi je suis concentré sur la trace. Donc je peux pas trop aller voir. Je vais aller voir aussi. Ouais. Arrête de regarder le cul de l'araignée, viens ici. Je matais pas son cul. Je matais son abdomen. Je matais ses pattes. D'abord. C'est. C'est un fétichisme particulier, mais ça va. Alors. Parfait. Et j'aimerais essayer de. Je n'ai pas les termes insectoïdes, mais en gros, je veux capter les phéromones du sang et tout ça pour voir s'il y a des attirants dans le coin, voir si ça part quelque part en particulier. Tu me fais s'il te plaît un jet, tu prends une. Oui. Une latte. Noir. Alors. Oh merde. Je le savais, c'est Shrafarik. Exactement. Cette tête baisse pas alors. Ah, ces anarchistes, je te jure. Tu es. On a beaucoup de la chance que c'était pas le corps qui a tiré noir. Du coup, bah tu cherches à te concentrer, mais le sang te semble être un cas isolé. Quand tu te concentres sur l'odeur qu'elle dégage, t'arrives pas à déterminer qu'il y en a ailleurs. Pour toi, c'est juste quelque chose d'isolé, peut-être. Ouais. Ouais, non, mais ça arrive de saigner juste pendant 2 secondes, et puis voilà, après c'est fini, ça se voit. Et puis tu te remettrais pas en question quand même. Attends, toi, Goula, ouais. Attends, tu es un dominant. Et quand même. À quel moment peux-tu avoir tort? Voyons. Voilà, donc affirme ton avis. Tu es un battant. Oui, non, mais de toute évidence, c'est un cas isolé. Il y a aucune piste de ce côté. On peut déjà s'éloigner. Oui, qui commence à s'éloigner. Voilà. En sirotant son sang de vie en mode ah, genre, c'est juste moi qui en a fait couler, si ça se prouve. C'est mon sang, peut-être. Et c'est là qu'il dit ah, oh, mais en fait, c'est du sang de vie, comme ça, et qu'il trempe son verre, qu'il boit, et qu'il se rend compte qu'en fait, c'était la souillure. Du coup, fou. Putain, j'ai un champignon qui pousse. Côté Shrafari, Clefulra, Brute. Bah, moi, je suis toujours concentré sur la souillure, c'est ça. Moi, je suis chaud pour partir, là, les gars. Il y a l'oiseau qui va se ramener. C'est quoi un oiseau? D'une seconde à l'autre. La plume qui va se ramener d'une seconde à l'autre. Je vous préviens, si jamais elle arrive, je serai le premier à partir. Je me casserai. Vous allez vous démerder pour revenir. Je vous aurai ok, fait. Je lui monte dessus. Moi, je vais rester tu proche. Tu chevauches comme ça. Tu sors des rênes comme ça. Je vais rester proche de notre araignée nationale, hein. Histoire de la couvrir. Ok. Et Fura, tu restes concentré sur ta piste? Bah, j'essaie de faire les choses bien, quoi. Non, mais c'est bien. Non, mais l'autre. Donc. Tu restes concentré sur ta piste ou t'écoutes Rafari qui vous préparait à partir, étant donné qu'il y a une menace pesante au-dessus de vous? Bah, maintenant que j'ai la piste. Oui. Je sais en gros quelle est la direction à prendre. Enfin, l'une des deux directions. Non. Enfin, je sais qu'il y a une trace de souillure et que je peux la suivre quand même. Bah oui, mais tu sais pas laquelle est. Oui, je sais pas quelle est la bonne, mais disons que je peux demander à Groot de choisir. Oui, par exemple. Et sachant que de toute façon, plus ça va être enfoncé, puis il faudra faire des jets. Hein. Enfin, j'ai pas une idée. D'accord. Bon bah, en gros, je leur. Messieurs. Mm-hmm. Là, il y a une trace de souillure. On peut soit la remonter vers l'est, soit vers l'ouest. Il y a une chance sur deux que le chemin que nous prenions soit le mauvais. Une chance sur deux que le chemin que nous prenions soit le bon aussi. Vous prenez quoi, est ou ouest? À gauche, c'est toujours le meilleur. On va à droite. Après, on peut aussi se permettre de juste de retourner à la ville et puis. En soi, notre mission exactement, c'était quoi, MJ? Au début, il vous engage pour travailler sur cette histoire de mal. Et là, il vous a juste donné une première piste en disant allez voir ce qui s'est passé là-bas. On peut parfaitement remonter, retourner le voir et lui dire. Ce serait pas déplacé. Non. Mais moi, je propose, les gars, juste on retourne là-bas. On retourne en ville, on le prévient. On perd du temps. Oui, je pense que c'est. Je pense que c'est. Je pense que ça sert vraiment à rien d'entendre en ville actuellement. Il n'en saura pas plus de toute façon. Donc, quand tu es de notre côté. Et puis, s'il y a moyen qu'il y en ait 2-3 soldats, 2-3 gars qui viennent avec nous pour chasser. Tant mieux quoi. Après, je sais pas si la piste de la souillure va être. va rester ici éternellement. MJ. Ouais. Quoique, est-ce qu'on a été capable de déterminer depuis combien de temps ils sont morts? Parce que j'ai déjà fait des tests pour voir comment ils étaient morts. Mm-hmm. Mais aucun moment m'a demandé cette information. Alors. Mais j'ai demandé des informations sur leur mort. Ouais. Sur comment ils. Vous avez eu les infos que vous avez eues. Oh là là. Alors, et moi de mon côté, ayant perception chimique hors du commun, je sais pas comment ça marche, est-ce que moi aussi je peux la capter là, ce qu'elle a senti l'araignée? Oui, tu peux faire un jeu, ça serait même peut-être plus facile pour toi. Oui, parce que vu qu'elle en a parlé, je vais me concentrer là-dessus, je vais essayer de choper. Ah, attends, il a combien ce temporaire? Avec le truc de perception chimique, là il y a un 1 à côté. Ouais, non, ça veut dire que tu dois utiliser un point de fluide. Hein. Ah d'accord, c'est le prix, ok. Oui, monsieur. Ce qui veut dire que tu seras à 4 secondes. Alors, 2 secondes, si vous en supplie. C'est où le fluide, déjà? C'est juste en dessous, c'est juste en dessous de la liste, enfoiré. Ah ouais, 5. Alors, c'est quoi la capacité que tu utilises, mon ami? Perception chimique hors du commun. Ah oui. Alors ça... C'est très pas bien. Parce que je suis terminé, c'est parce que je suis riche. Alors, du coup, tu as combien? Ok. Tu fais. Alors, du coup, ça fait. T'en tires une. Et ça remontera la couleur de l'une. Ok. Bleu. Donc là, t'as le choix. Donc, soit ça devient une verte, soit tu peux tenter quand même de relancer. Au choix. Non, c'est bien vert. Ok. Donc t'arrives à capter les odeurs, la trace, tout simplement, du comment on appelle ça, de la souillure. Et en fait, en te concentrant dessus, d'ailleurs refais-moi s'il te plaît, une seule. Donc en te concentrant dessus, ok. Vous remarquez juste comme ça, hein, Shrafari qui et les autres qui sont pas concentrés, donc c'est Brute et Shrafari que vous remarquez que une ombre commence à prendre possession du lieu, ce qui veut dire que sûrement un oiseau est en train, enfin une plume est en train de. Ok, comme prévu, je me barre. danger, fuyons. Exactement. Je vais prendre la petite araignée avec moi. Hors de question que je meurs aujourd'hui. Petite araignée toute mignonne. Ouais. Genre, je la prends comme ça au vol. Là. Goulard, t'es en train de remarquer que bah, les odeurs ne partaient pas trop loin, t'es en mode c'est étrange. Tu vas faire un petit pas. Surtout que Schrafferik, tu le remarques là, a une vitesse de pointe. T'as jamais vu ça. Il a déjà, tu sais que les Vespas, c'est assez rapide, mais tu dis bon, ça va comparé à une Lule, ça va. Non, celle-là, elle dépasse tout le monde. Du coup, ah, là, t'as accroché, tu viens de perdre ton sang de vie et ton quartz ultra bien. Hein. Non, pas le sang de vie. Retourne en arrière. Retourne. De ton côté, Brute, par contre, tu commences à te faire tracer, parce que forcément, hein, c'est pas la même vitesse de pointe, surtout quand tu portes les fulras. Donc, tu te dépêches, t'essayes. Bon, c'est bien, hein, c'est-à-dire que t'as la même vitesse que si tu seras en train de courir au sol, sauf au moins t'as pas à te faire chier avec les branchages au sol. C'est déjà ça qui est pris. Au bout de quelques minutes, hein, vous arrivez facilement à sortir de la zone d'ombre que crée la plume. Je suppose que vous continuez du coup quand même à vous écarter ou... Oui, parce que oui, l'attaque, hein, elle va pas rester. Mais du coup, Goula, il a rien appris sur la direction qu'ont pris les... Ah, mais il a eu juste à peine le temps de remarquer que c'était étrange que l'odeur ne partait non loin. C'était comme si elle s'arrêtait à un moment. Mais il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit que Schrafari qui est parti en vitesse de pointe. Et mais où c'est... Du coup, cette information, il est le seul à l'avoir. Donc, oui, je en effet. Je dirais qu'on sera calme. Hein. Mais bon, autant il va pas la gueuler là comme ça. Hey, les gars! Il y avait un truc bizarre. Non, c'est pas les gars, c'est elle est pauvre. Elle a pauvresse. La plèbe. Les prolétaires. Donc, vous continuez, donc vous écartez le plus loin possible. Donc toi, je rafraîchis très très vite. Tu fais genre la moitié du chemin, mais un instant super rapide quoi. T'arrives assez rapidement à distancer mais absolument tout le monde, aussi bien la plume que Brute et les Fura. C'est vrai que t'es content quand même, Gola, d'être dessus. Tu dis que si à un moment il faut fuir, t'es bien. Ouais. Donc t'arrives assez vite, vous arrivez en fait au moment où il recommence à avoir les checkpoints. Checkpoints, putain. qui sont sur la côté, donc les fameuses tours de fer en brindille qui permettent tout simplement de vous aider. Donc vous arrivez très facilement, je suppose tu vas par là ou tu vas directement dans la cité purement. Je crois que je vais quand même retourner pour voir si les gens sont derrière moi. Ok, tu te retournes. Non, c'est personne. tu vois rien, mais Tu avec tes perceptions, t'entends quand même le bruit d'ailes qui est assez loin de tout simplement du scarabe qui de ce qu'ils ont des ailes en plus plus petites que... Et du coup, ouais, t'entends le bruit de ces ailes très lointain, donc tu te dis que bon, il va pas tarder à arriver, t'as quoi te reposer un peu, prendre un peu de son vie. Vous inquiétez pas, très cher, hein. De toute façon, c'est que de la peau, je suis là. D'accord. D'ailleurs, comment est-ce que je dois t'appeler? C'est quoi ton nom déjà? On peut m'appeler Monsieur Goula, c'est bien. Majesté, Monseigneur. Mais Goula, c'est bien. Alors, je veux bien t'appeler Monseigneur, mais tu doubles mon salaire. Non, problème. Parfait, Monseigneur. Très bien. Tu as gagné deux quartz de l'heure. Ouais, ça fait que tu vas gagner genre un truc genre 4 ou 6 quartz quoi, même, c'est bien. Voilà. Bah pour moi, ça, c'est genre le double de ce que j'ai, tu vois. Donc c'est pas mal, ouais. Magnifique. Si t'as d'autres choses à vendre, tu le dis, hein. Genre, je sais pas, le reste de ton corps, genre de truc. Le trafic d'organes, ça marche bien en ce moment. Ouais. En attendant, bien entendu, hein, Bourreau, tu es en train de voler avec l'air en train de porter. T'as un gros bourdon. Ah oui, bah là, c'est. T'es en train de survoler du coup toute la plaine. Les herbes, tu es content dans ta tête, tu viens de sauver des Fulras. Tu espères que ça sera redevable. Oui. tu voles. De votre côté, hein, Schrafferik, Goula, vous commencez à vous poser, hein, vous discutez un peu avec les gardes plus tard, hein, vous lui après tout, vous avez le temps. Hein. Comment ça va, bien? Regarde, comment ça se passe? Vous êtes pauvres? Ouais, ils sont pauvres. tu peux même en payer un pour qu'il danse, hein, au point où on en est. Oui, vas-y, j'en paye un pour qu'il danse. Ok, on retirera 3 cartes. 3 quartz. 3 quartz pour danser? Ouais. Ouais. Parce que je vais demander un twerk. Ah bah ouais, c'est, il parle à un garde. Forcément, s'il veut s'humilier, il fera payer un peu. Donc, je vais demander au chef de la garde et tout. Donc, du coup, ça fait qu'il te reste 137 quartz. Oh là là, putain, il t'en a tellement peu. Oh là là, mince alors. Faut que t'économises. Ouais. Donc, effectivement, vous êtes en train d'arriver, vous voyez Goula et Jrafali qui regardent une putère en train de danser. Et voilà, vous arrivez au milieu de cette scène très logique. Ouais, allez, faut qu'on aille en ville. Je comprends pourquoi t'en as pas fait ton métier. Hein. Oh, pas, j'ai pas... Tu sens... Tu veux une blague pour savoir s'il garde le fromage. Là, tu vois, c'est pas de l'hostilité, tu sens, c'est un peu de la... C'est de la tristesse. Tu sens que tu l'as blessé. Moi et Groot, comme ça, on sort des lunettes de soleil, mais tu sais, spécial pour nous. Moi, tu sais, comme ça, c'est ma petite lunette de soleil avec 8 trous pour les yeux, tu vois. On sort un B2 tous les deux. Ah non, mais là... T'imagines un B2 pour insectes. Du coup, alors que vous êtes en train de repartir sur le chemin, vous sentez cette phéromone du désespoir et du couleur. C'est la phéromone du « Aidez-moi !» Je m'en délecte et je rigole. Bon ouais, moi je suis content, hein, phéromone de contentitude. Très bien. De joie, on peut dire. Ouais, phéromone. Je sens qu'il y a un dans le groupe qui est très très joyeux. J'espère que c'est quand même les fleurs, hein, parce que tu l'as sauvé et tout. J'ai une question, Deus. Oui. La Cantarax. Oula, attends, répète. La Cantarax. Ouais. La Cucaracha. La Cantarax, l'aphrodisiaque le plus puissant, ça marche sur les... Zarak? Bah écoute, celui-là, la... Je sais pas ce que c'est, enfin, genre, c'est pas écrit dans l'objet du jeu. Si, si. Ouais. Tu regardes, hop. Ah oui, le... Bah oui. Bah oui. Oui, monsieur. Non, mais j'ai confondu, pardon. Oui, Cantarax, oui. Qui est d'ailleurs fait par les putères du croissant vert. Oui. Pourquoi ça parle d'aphrodisiaque? Mais oui, c'est... mais en fait, c'est genre le truc le plus puissant, genre tellement puissant que genre même une ça marche sur des je sais plus comment ça s'appelle, mais sur des petits vers, quoi. C'est ultra puissant. Pourquoi il prévoit ça? Je ne sais pas. Bah, au cas où je devais manger à un moment, histoire d'être prêt. Ah! Histoire de prévoir, c'est-à-dire que dans ma tête je me dis putain! Non mais, dis-toi que t'as de la chance, il est pauvre maintenant, il a pas d'argent. Bon. Et puis même, les aphrodisiaques c'est pas très courtois. Est-ce que je dois mentionner le fait que j'en porte justement sur moi? Ah oui, c'est vrai! Oui, tu vas essayer de lui vendre! Mais non. Donc, vous arrivez à la cité, hein, cette conversation s'est pas passée sur le moment du trajet, vous retournez à la cité. Vous faites quoi? Vous allez directement chercher notre ami. Ouais. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée, puisque si on va se battre contre des blafards, il vaut mieux être un peu beaucoup. Ok. Et puis, vous allez, dire, je peux vous attirer. Vous, vous le voyez, il a plus de temps de régler quelques affaires, rien de très important. Du moins, physiquement, hein, je veux dire, c'est, pour vous, c'est super important ce qu'il fait, mais là, comme ça, vous avez juste l'impression qu'il rentre regarder une fleur et la regarder, quoi. C'est ton lavé. Au bout d'un moment, lui. Je vous laisse parler. Au rapport chef, au rapport, nous avons une piste. Salutations. Re-salutations. Oh, re-salutations, l'ami. On a une piste. Comme l'a dit très vite... La Vespale, c'est dans leur gène, hein, ce genre de choses. Putain, mais arrête d'avoir cet air arrogant qui va avec le ton. Mais oui, c'est pour ça que c'est bien de faire tourner une table. Bref, alors, quelles nouvelles me rapportez-vous de votre expédition? Bon, a priori, c'est à moi de parler. Bon, bah... ouais, je le dis à trop vite. On a trouvé des preuves que les blafards, tu sais ça ? Ouais, les blafards, la maladie blafarde, tout ça est en lien avec cette connerie. Enfin, ouais, avec ce qui se passe. Vous avez un langage bien grossier pour un noble comme vous, voyons. c'est pas moi, c'est l'escarab qui vient de parler trop fort. Ah d'accord, je vois, c'est Scarab grossier. Ah oui. C'est resté avec les roturiers comme. Alors, c'est quoi cette histoire de blafard? Avez-vous plus de détails là-dessus? Comment, pourquoi? A priori, ils sont attaqués par un groupe de blafards. Justement, on a trouvé du sang, les phéromones, tout ce qui prouve... qui sont hautement liés à ce genre de truc. À ce qui se passe. C'est l'un des... Étrange, non ? Pourquoi attaquerait-il ? Un convoi de vives nous étant destiné. La maladie de la blafarde engendre la folie. Oui, mais... vous le savez comme moi, si culturé vous êtes dans vos tribus, la forêt sombre, les blafards, aussi folles peut-elle rendre, depuis qu'ils sont gouvernés par l'autre, gouvernés si j'ose dire, hein, genre... Vous voulez dire par la phalange digitale ? Ah, c'est pas un nom aussi moche devant moi. Oui, cette phalange digitale, clairement... Il pourrait orchestrer ce genre d'attaque. Il orchestre l'apparition maintenant des blafards. Seuls les blafards isolés qui se font récemment contaminer sont hors de contrôle, ou plutôt j'ai envie de dire hors de contrôle de ce dictateur. Il y a les machins dans les déserts comme ça, t'as les petits machins qui roulent sur Rommel comme ça, t'en as un, il passe comme ça. Et il écrase la ville. Bah oui, justement, on est des insectes. Si en fait on est tous emportés par le machin, oh mon dieu! On s'en s'il vous plaît. Mis à part ça, je pense que mon ami le Termide, enfin. Si je peux dire mon ami. Ou le compagnon. Souhaiterait que nous ayons. Que vous puissiez nous mettre en relation avec des compagnons pour affronter ces blafards. Je vois, je peux comprendre que ça vous effraie une telle menace qui ne le serait pas. Très bien. Je vais. Allez voir de quoi vous faire, mais j'aimerais que vous me rendez un petit service. Est-ce que vous voulez qu'on livre un... Non. Vous ne livrez aucun livre, voyons, je n'ai pas de livre livré. Parfait. Oui, dans ce cas-là, c'est d'accord. Vous voyez un petit service qui fait un petit signe qui vous emmène à un coin un peu plus sombre de la cour, il y a moins de gens... Suis-moi. Il y a tout le monde qui se fait des bruits, tu sais. Tout d'un coup, comme ça, tu commences à faire des clins d'œil. Ah ah ! Wink, wink, wink. Regarde, on me lève en sang. Cette histoire de... Run with Lay. Lève en sang. Le prochain, il meurt. Grandiom. Attention. Cette histoire de blafard me plaît guère, hein, on va pas se mentir. C'est étrange. Je vais contacter moi une petite armée afin de pouvoir contre-attaquer. Parfait. J'aimerais du coup vous voir de votre côté, si vous pouvez pas faire une petite enquête en interne. En effet, j'aimerais être sûr que si menace blafarde d'il y a, elle ne se soit pas déjà infiltrée parmi nos murs. Vous comprenez. Je vous laisse dans ce cas carte blanche dans toute la cité. Vous avez accès à toutes les zones, même ceux réservés à l'élite. Et tu vois bien qu'elle regarde trop mal les autres. Ils sont pas nobles, tu vois. Avec un regard hyper complice envers Goulad, allez vite. Les gens comme nous. Voilà, les gens qui se donnent des petits coups de coude comme ça, genre. L'élite. Les gens qui tapent dans l'épaule comme ça. Ils sont hyper potes. En fait, ça... Je prends l'initiative de leur taper un coup de coude aussi. Tu... Enfin, de coup de... Oh, mais, oh, voyons, pas de familiarité ici. C'est comme, en fait, juste avant qu'il commence, comme ça, je fais Brute. Si tu veux, tu peux être courtois. Oh, oh le lutte. bon, outrepasser cette histoire d'élite. Je vous laisse carte blanche, je vais informer tous mes gars, vous pouvez fouiner, si j'ose dire, à tous les endroits de cette merveilleuse cité. Même, j'ai envie de dire, dans les bureaux de nos plus... Merci, de nos plus hauts fonctionnaires. Hein. N'hésitez pas, et si la moindre menace... blafarde, vous trouvez, faites-moi en part, j'aimerais savoir s'il en retourne. Merci. Merci à vous, parfait. Monseigneur. Nous allons nous en occuper. Il parle bizarrement, votre scarab. Suite, non, ouais. C'est vous qui parlez. Non, ne vous en faites pas, il est courtois. N'est-ce pas, Brute ? Oui, je suis courtois. Mais respect, monseigneur. Oui, respect, allez. Du vent. Et là, du coup, je commence à secouer genre mes ailes pour lui faire un petit peu de vent et... Non, pas du vent comme ça, Loélire. Allez, enquêtez. Excusez-moi, j'ai trop l'habitude de servir l'élite. Tu vois ah, même là, le... tu vois, même là dans le RP, je suis mort de rire, putain. Oh bordel, c'est fort de café, les gars. Du coup, vous faites quoi? Vous vous éloignez de lui, lui retourne sniffer. Ouais, on va s'en aller. Ouais. J'essaie quand même de voir, est-ce qu'il a l'air sincère dans ses propos? Ou est-ce qu'il pourrait nous cacher quelque chose? Dis le prêtre dans le premier SBR que j'ai fait. Alors, tu as fait une réussite améliorée, il a l'air sincère. Ok. Bah, du coup, question simple, qu'est-ce que vous faites? Vous allez lâcher comme ça, disons, vous pouvez aller où vous voulez, enquêter sur ce que vous voulez, que faites-vous? On va au bar. Non. La seule directive qui nous a fait, c'est de chercher la souillure, c'est ça? Non, c'est de enquêter à... Pas chercher la souillure en soi, c'est enquêter à l'intérieur de la cité que la menace blafarde, donc que ça soit directement ou indirectement, ne soit pas rentrée à l'intérieur de la cité, quoi. En ce cas, moi, j'aimerais bien aller au niveau de la garde. Ouais, je les connais, moi aussi, la garde. Je vais y aller avec toi. Parce que je sais pas trop où aller non plus, je connais pas la ville. Très bien. Vous allez, du coup, voir la garde. C'est très sympa à trouver, parce qu'en fait, la ville a une... Alors, vous n'avez pas trop l'étude, parce que vous n'êtes pas rentré en détail dans la ville, mais la ville a un centre d'intérêt qui est en fait, en son centre, il y a un énorme enclos de sang chaud, qui est, en fait, des sang chauds qui sont normalement... Pardon. Élevé, donc vous le savez, hein, c'est ce genre de truc qu'on entend un peu partout, parce que vous savez, dès qu'on a un truc un peu hors du commun, on s'en vante largement. Donc c'est une cité qui est connue pour ça, parce que la garde monte souvent du sang chaud, et donc en cas de problème, d'attaque ou ce genre de choses, les sang chauds peuvent être lâchés. C'est un moyen de défense comme les autres. Bref, là n'est pas la question. Mais. À côté de ces sangchots, du coup, se trouve la grande tour de garde dans laquelle vous allez pouvoir y aller. Donc, c'est une grande tour qui est faite toujours dans ce bois très travaillé, très joli. Vraiment un mélange de bois et de terre, réellement. Ça fait un matériau très, très joli. C'est typiquement de l'architecture putère. Et donc, c'est pour le coup un des rares bâtiments qui n'est pas vraiment carré, mais qui est plus ovale. Et qui va vers la hauteur. Magnifique. Magnifique. De l'architecture de l'île. On va se déplacer, j'imagine, au niveau de l'entrée. Du coup, vous rentrez. Ouais, je leur fais salut, je leur fais un salut de Phéromone. Et tu leur fais ah, bonjour. Ouais. Tu fais du coup un. Alors, c'est pas les mêmes. Oh, c'est pas les mêmes. Bah, non. Oh, je leur dis pas salut alors. Vous étiez pas sur la route. Ah, vous étiez sur la route. Là, vous êtes dans la ville. Voyez la différence. Mais on les attendait pas sur la. Dans la ville. C'est ça que j'avais compris, moi. Non, j'ai dit. Je lui ai demandé s'il voulait aller à la ville directement. Aussi, il attendait au niveau des débarquements. J'ai voulu attendre pour être sûr qu'il était suivi et qu'il n'avait pas perdu. Ah, ok. Il faut suivre. Si je les connais pas, je leur dis pas salut. Ok, faites donc vos tests d'épée. Grave, vous rentrez. On passera, on les verra. Donc, quand vous rentrez, vous sentez ces phéromones de bienvenue, donc, qui est une coutume normale chez Peter. Je leur envoie l'appareil. Enfin, non pas bienvenue, mais. Bonjour. Bon. Je comprends. Voilà. T'inquiète pas. Ok. Ouais, des phéromones de vous inquiétez pas, on vient pas vous braquer. Alors celui-là n'existe pas, mais. Oh, tu comprends l'idée, phéromones de gentillesse, tout ça. Voilà. Ça de non-hostilité. Ok. Donc, il y a juste échange de phéromones. Donc, dans les règles de la nature, vous pouvez directement. En fait, vous voyez que. On se rend pas en exemple, directement, en fait. Les gardes, c'est pas la police nationale, hein, c'est pas genre vous y allez pour les voir. Normalement, eux, ils se gèrent tout ça. Donc, si vous y allez, il faut que vous allez leur parler, que vous entamez le contact. Généralement, eux, ils se gèrent pas directement par rapport à vous. La garde se gère vraiment. Comment dire, c'est genre, c'est vraiment pas la gendarmerie, quoi. C'est pas là où tu vas pour déposer une plainte. Dans ce cas-là, on va s'approcher. Enfin, moi, je vais m'approcher. Il est toujours sur mon dos, d'ailleurs. Non, je suis descendu quand même pour la vie. Ok. Non, je sais pas, t'aurais pu. Hein. Putain, le sultan, tu sais. Le véritable. Du coup, tu l'as payé. Oui, d'ailleurs. Tiens, on oui. Après, on verra ça après. Hein. C'est pas le moment. Ouais. Bonjour, messieurs les gardes. Nous venons de la part du. Maître, comment il s'appelle d'ailleurs? Non, on sait pas. Ah oui, c'est vrai, je voulais décrire en mode juste c'est le chef. On vient de la part de Frost. Et, il s'appelle Frost, c'est pris. Ok. On vient de la part de Frost. Il veut qu'on enquête sur, comme vous le savez, les agressions qui ont lieu au niveau des marchands ces derniers temps. Je vois. Vous voulez poser des questions? Vous voulez ce genre de choses? Oui, j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a eu des. Comment dire? Des événements étranges en ville. Alors moi, je m'occupe pas directement de la ville. Je peux vous ramener vers le chef de la garde, si vous voulez. Lui, il gère vraiment tout. Il aura peut-être une vue plus détaillée que moi, simple soldat au nom de la garde, si vous voulez. Ne vous dévalorisez pas comme ça. Vous êtes déjà assez bas dans la hiérarchie. Comme ça. Laisse-le. Merci de ne pas m'insulter, hein. Mais c'est juste réaliste. Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi non plus. Bref. Donc ouais. Je fais semblant. Après, clairement, moi, c'est-à-dire que ouais, j'ai un poste. Je m'occupe uniquement des sangs chauds. Voilà. Du coup. Faut savoir ce qu'il y a envie, c'est pas top. Je suis désolé, j'ai pensé à Sancho dans les cités d'or. je suis désolé, je suis en train de briser le RP. Ah, tu l'as bien enculé là. c'est Sancho, c'est genre t'en vois plein à côté. Ah non, c'est Sancho. Tu lui as pondu des œufs là au RP. Hein. Ouais, je suis désolé. Ah oui, non, oui. En fait, vous êtes un paysan, quoi. Merci, on va aller voir le chef de la garde pour vous. Enfin, on va aller le voir. Bon, je vous emmène. Tu vois que il commence à s'envoler. Parce que la tour, une fois à l'intérieur, en fait, c'est genre un creux. Et en fait, genre il y a les parois sur le côté, en fait, qui va donner des salles, quoi. Donc il y a pas d'escalier en soi. Ok. Donc il commence à s'envoler. Bon, je m'envole quand même. Faut bien que je vole à un moment ou à un autre. Moi, je vais porter notre araignée nationale sur mon dos. Sachant que vous êtes venu, elle peut monter avec ses pattes, tout simplement. Ouais, mais par pure courtoisie. Oh, je crois pas que ça me fait plaisir, Baka. Baka. L'araignée de Tsundere, putain. Du coup, tu l'as. T'acceptes d'être porté? Ah, oh, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ok. Allez, envoyons-nous en l'air. Faut pas lui dire deux fois, je crois. Putain. Allez, faut qu'on arrête de faire des blagues sur ce pseudo-romantisme. Il va se faire des idées. Ok. Alors, du coup, vous envolez. Vous le suivez. En fait, il va pratiquement au sommet de la tour. Il sera genre à quelques mètres de la fin, quoi. Vous avancez, vous aussi, vous le suivez tout simplement. Il sera genre, il reste sur place. C'est là. Très bien, merci. Pas clair. Du coup, je rentre au niveau de. Bah, je suis l'endroit où il nous a indiqué. Oui. Et je m'adresse à celui qui semble être le capitaine de la garde. Ok, quand tu rentres dans son bureau. Bah, il est pas là. Oh. C'est quoi ça? Phéromone de frustration. Ah ouais, t'es ouf. Phéromone de frustration en mode qu'est-ce que tu branles, putain de fonctionnaire de mes couilles. vous dégagez ces phéromones de frustration. Je sais qui vous a emmené, il y a eu. Ah bah, désolé, vous savez ce que c'est, hein, quand les chefs de la garde, ils prennent gauche à droite. Je le préviens de votre arrivée, il sera à vous d'ici 5 minutes maximum. Ok, on attendra 5 minutes maximum. On se casse. Oui, qui redescend très rapidement. Ouais. Vous êtes dans la salle, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez juste, vous fouillez un peu, ce genre de choses? Ouais, je regarde à droite à gauche, qu'est-ce qu'il y a? Phéromone d'accouplement. Ouais. Et je balance des phéromones de je regrette quand même les fonctionnaires, c'est pas drôle. Enfin, je veux dire, oh putain, je m'enfonce à chaque fois que je parle. J'espère qu'il n'y a pas de fonctionnaires parmi les joueurs, je vais me faire niquer. Bah attends, je vais dire ça. Alors. Bouge pas alors. Je me disais bien. Ouais, mais toi t'es pas un joueur, tu comptes pas. Il y a l'escargot qui est pas content. Ouais, tu. Shrafarik, en regardant un peu, tu vois un escargot qui te regarde très très mal. C'est un escargot miniature, hein, parce que sinon c'est un genre de truc qui vous mange d'habitude. Mais là, c'est un escargot miniature, je sais pas pourquoi il est aussi petit, et il te regarde très très très mal, il est sur le bord de la tête. Oh, c'est genre vraiment le machin qui te juge, tu vois. C'était ce que je voulais dire. Et du coup, mon cher Chapric, blanc ou bleu? Quoi? Bah, les blagues, oui, blanc ou bleu. Bleu. J'ai pas compris. Très bien. Les autres, vous fouillez aussi, histoire que je fasse un truc général? Oui. Ouais. Alors, sachant que Brute, tu envoies. J'envoie mes phéromones d'accouplement. D'accouplement. Alors, sachant que c'est marrant parce que les foulerats ne sent pas les phéromones, c'est une araignée. Alors, non, m'en fous, je vais la rendre jalouse. On peut faire quand même le. Comment? Je vais la rendre jalouse. Mec, tu te rends compte que le capitaine de la garde il va revenir, la première chose qu'il va voir c'est des phéromones d'accouplement. Ah ouais. Oh là là, ça va le faire. Attention, messieurs, si tu veux faire un test de phéromones, c'est moins 1 contre moi. Non, c'était pas contre lui. Non, c'est pas contre toi. C'est pas contre toi, mais. Mais trois petits points, finissez la phrase comme vous l'entendez. Trois petits points, tout cela va trop loin, messieurs. Tout se passe très bien. T'as une sale rampe. Tout sous abri. Ah. Et enfin, Lifura, tu me tires deux blades, s'il te plaît. Désolé, hein, comme ça, je fais tout le monde d'un coup. Putain, elle va sentir des phéromones de viol. Noir. Ok. Alors. J'ai tiré une autre Nora, tous aux abris. Oh, alors. Goula et Lifura, en fouillant. Vous regardez, vous cherchez, vous jetez à droite, à gauche, vous aurez un tiroir ou deux, vous voyez rien de spécial. Vous arrivez juste à faire tomber ces goûts-là, qui fait tomber un vase. Oups. De ton côté, il faudra quand tu fouilles, tu en fait, c'est une salle qui est adaptée tout simplement à des intres de taille plus moyen que toi, hein. Les putères, c'est pas ce qu'il y a de plus grand. Et du coup, alors l'image que tu as mise, excuse-moi, hein, mais c'est pas un scarab. Bref, c'est un scadant. Oui, donc, du coup, tu es assez mal à l'aise, tu te sens pas à l'aise pour chercher quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand tu tournes, tu prends la moitié de la salle, donc tu vas juste te mettre dans un coin, te recouvrir, te faire bon, je suis gentil. Mais au moins, t'as pas cassé. Je vais pas bouger. Ouais, voilà, au moins, j'ai pas bougé. Enfin, j'ai rien cassé. Brute. On arrivera à toi, hein. Si t'as envie de faire quelque chose pour ce vase. Après tout, tu es riche, tu peux le rembourser. Brute, toi, tu cherches. Tu regardes, y a rien d'intéressant. Tu à droite, à gauche, rien de spécial. Toi, mon ami Shra Frarik, fille légitime, hein, de Navik Frarik et de Merat Naven. Oui. Né il y a en nom de grâce de Vespal jaune et noir, Orcaste Roublard, qui a 4 en antenne et 2 en esprit. Et très exactement deux blades de chance. Pardon. Du coup, tu vois, il y a quelque chose qui t'attire l'œil. C'est une lettre. Commence à l'attraper. Et les phéromones sont libérés. Bien entendu, tu as un choix. Soit. Alors, attends, déjà, je vérifie si pour toi c'est possible. Ah bah. Non. Eh bah, non, tu n'as pas ton choix. Parce que tu... Désolé. Bon bah. Tu l'attrapes. Je suis désolé, t'as pas ce qu'il faut. Donc, tu l'attrapes et il y a une voix qui arrive. Donc, à toi de décider. Soit tu la relâches, soit tu la caches, hein, tu fais ce que tu veux. Mais il y a la voix qui est authentique du chef. Je la cache. Je suis là. Okay, mais pourquoi est-ce qu'elle a attiré mon attention exactement? Bah, c'est-à-dire que vous étiez tous en train de fouiller un peu, tu sais, mais genre sans trop fouiller non plus. Hein, vous étiez là en mode, mais il y a quoi là? Et elle semblait assez cachée, tu vois. Et du coup, en regardant un peu, tu savais pas quoi dire, mais il y a quelque chose qui t'attire en mode, c'est chelou quand même qu'elle soit aussi cachée, tu vois. Ok, c'est... ok. Dans ce cas-là, je la prends. Voilà. Parce que dessus, il y a un gros logo scénario. Je rigole. Oh, t'inquiète. Donc, il y a la voix qui est retentie. Alors, vous m'avez demandé. Oui, bonjour. Oui, salutations. Salutations. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Mais... Nous venons de la part de Frost. En effet, il s'avère que... Merde. Voilà, exactement. Vous voyez les attaques qui ont lieu récemment dans ce coin? Nous pensons qu'elles pourraient être liées au Blafard. Ce n'est pas sûr, ce n'est qu'une piste, mais voilà. Et Frost voudrait savoir... que nous vérifions si jamais au niveau de la ville, est-ce que les blafards auraient déjà pu commencer à s'infiltrer entre guillemets parmi nous. Donc je voulais juste vous poser la question suivante, c'est voilà. Bah, concrètement, est-ce que vous avez eu des disparitions, des événements étranges ou des choses qui pourraient vous faire penser à une espèce d'attaque blafarde, un complot blafard qui se tramerait Mais non. Mais voyons, ce sont que des créatures malades qui ont perdu l'esprit. Jamais ils ont un tel pouvoir de coordination. Hein, elles ont un chef quand même. Comment elle s'appelle déjà Phalange digitale. Ouais, phalange digitale. Non, mais oui, forcément, ils ont un chef, mais... bon, déjà, on sait pas où ils sont, on sait pas vers où ils vivent, faire ce genre de choses. Ce qu'on nous raconte, hein, là-bas, c'est pas très propre. Hein. Comment dire? Pourquoi ils iraient jusqu'au croissant vert, hein, c'est si bel empire, hein, pour nous attaquer, pour attaquer nos vies, ce genre de choses? C'est très bizarre. Quel est l'intérêt, j'ai envie de dire, des blafards, hein. Oui, bien sûr, on va pas se cacher, les blafards ont une haine concrète envers nous, hein, ça n'a rien à voir. Ils se sentent exclus, nanani, nanana, et du coup ils veulent nous tuer. Bon, hein, on va pas chercher à justifier, hein, parce que justifier l'injustifiable, c'est excuser l'inexcusable en soi. J'ai pas compris. T'inquiète pas, bro, c'est de la politique. Oh. Et du coup, vous voyez. Il faut vraiment, je pense, ne pas penser que les blafards vont nous attaquer, genre pour nous couper nos vivres, ou nous faire, je sais pas, chuter dans le commerce. Ça n'a pas de sens. Ce sont des fous, ce sont des malades, et je pense pas qu'ils soient capables de. Je vous impressionne que mon avis, vous avez le droit, bien entendu, de le remettre en question, mais est-ce que cela serait vraiment justifié? Je ne sais pas. D'accord, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Ça sert à quoi de dire tout ça là? Je voulais pas dire, je vais juste dire non. Mais c'est un discours politique, monsieur. Ouais, ouais, mais on n'est pas là pour le discours, on est là pour les affaires. C'est là comme ça qu'en fait on voit le gars qu'on est en train de regarder. En fait, il ressemble étrangement à Sarkozy. Tu sais, il a exactement le même mouvement d'épaule et la petite main comme ça. Exactement, tu vois. Non mais excusez-moi, on me pose une question, je réponds de manière précise. C'est mon métier de répondre à l'appel du citoyen. Mais même le destin est contre cette personne. Ouais. Du coup, il y a eu des événements en rapport avec des blafards dans le coin ou pas? Oui, oui, on a eu une affaire un peu sale il y a 3 cycles de ça, je me rappelle. J'étais jeune, hein, à cette époque. De souvenir, il y avait eu un... il était dans un métier pas très intéressant. Je ne saurais dire reproducteur, je crois. Pardon? Oui, je disais oui, donc vous savez, c'est ce genre de... Ouais. De caste, hein, vous savez, hein, ils sont juste là pour servir ceux qui dominent déjà. Hein, les producteurs en soi n'ont pas beaucoup de pouvoir. Mais bref, il était pendant des années, pendant des cycles, reproducteur, et puis tout se passait bien. Puis un jour, il a sombré dans la folie, il a commencé à muter. Ça a été très très violent, on a dû l'immobiliser, on a tenté de l'arrêter. Était impossible, il avait totalement perdu raison, il attaquait tout ce qui bougeait, du coup, on a dû mettre fin à ses jours avec beaucoup de difficultés, hein, et c'est durement défendu cet homme. Le nom de ce reproducteur? C'était Scar. Et vous pensez qu'il pourrait être lié d'une manière ou d'une autre à ce qui se passe aujourd'hui? S'il est mort, a priori, ça m'étonnerait. Voilà, il a été éliminé par la garde ici présente, dont moi. C'est même moi qui a porté le coup final. Je l'ai poursuivi en dehors des frontières de la ville et en dehors, malgré le froid de la nuit, j'ai été suivant. Et je l'ai mené la justice jusqu'au bout. Et donc, oui, effectivement, étant mort, je ne vois pas comment il pourrait... attaquer nos vivres, tout simplement. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci, j'ai l'impression que nous vous dérangeons. Nous allons arrêter de vous embêter. Ruth, tu viens? Et je me dirige vers la sortie. Je regarde le... Je m'en vais en émettant des phéromones de cité parce qu'il a insulté ma caste. Je sors également. Je regarde ce gros machin d'un air mauvais. Et je le quitte pas des yeux et je vais suivre la petite araignée. D'accord. Vous sortez. Du coup, je suppose que vous revolez jusqu'en bas. Exactement. Et moi, je vais me séparer légèrement du groupe. Je vais leur quand même leur prévenir un petit peu de ce que je fais, mais je leur dis que j'aurais peut-être une piste et. Alors, juste avant de sortir, j'aimerais juste faire un test. Tu me tires une date, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça ? Ah oui. Non. Le destin. Noir. Ah. Noir. Ah. Bref, oui, c'est à peu près ça en fait. Alors, en fait, le truc c'est qu'on est les deux plus grands, c'est-à-dire qu'en fait c'est un géant et une géante. Enfin, un très grand géant et une moyenne. Du coup. Vous allez tous mourir. Alors, vous partez et toi, Frarik, tu sens une patte sur ton dos au moment où tu parles. Excusez-moi, je crois que vous avez quelque chose à moi là. Pardon ? Oui, vous êtes renvoyé une de mes affaires. De quoi parlez-vous ? Voyez avec mon manager. je pointe Goula. Est-ce qu'on voit... salutations, cher monsieur, qu'est-ce que vous... Est-ce qu'on voit Shra se faire... Albaguer... Tiens, attends. Attends, bouge pas. Il attire pour nous deux ou pas ? Oui, vous le voyez. Bah, je m'approche et qu'est-ce qu'il y a, Shra ? Vous serez prié de me rendre cette lettre personnelle, sinon je vous envoie au cachot. Je vais tenter une technique de défense. Dis-moi, Shra... Une frustration, ce n'est pas un vol, c'est un emprunt. Dis-moi, Shra... Si jamais tu as une technique, n'oublie pas que les cartes peuvent être usées même dans ces moments-là avec un échec. Je le dis. Ouais, mais le problème c'est quoi les cartes Ah oui, tu. Parce que je. Ah, dans ce cas, je vais faire. Mais. Je dis que c'est possible, ça veut pas dire que tu dois le faire là maintenant. Hein. Tu peux très bien t'en sortir sans. Je dis juste que c'est possible pour le. Comme ça. Comme je vous explique vraiment dans toutes les situations. Même avec un échec. Excusez-moi, je la prends dans ma main. Ouais. Moi, je l'attends comme si j'allais le donner. Et oh mince, quel dommage. Elle me lâche des mains et elle tombe juste en bas. Okay. De la tour. Blatt, de chance, s'il te plaît, pour voir comment ça se passe de son côté. Bouge pas. Non. Ah. T'as de la chance. C'est un petit échec. Ce qui fait qu'en haut, tu arrives. Tu... Ah, excusez-moi, elle me lâche. Tu vois, et genre, le truc, elle tombe. Il te pousse et il fonce dessus. Il est vénère. Je lui fais un croche-pied, si c'est possible. Est-ce que, en fait, est-ce que je peux mettre Mi sur son chemin, en fait que... Tu peux essayer, tu enfin faire ça. L'araignée qui se jette dans le vide. Donc par rapport à tes pas, donc 3 lui. C'est-à-dire que je me décale de un pas, en fait. Ok. Bon, ok, tu as de la chance, ton jet passe. Du coup, t'arrives, tu vois qu'il commence à se foncer, tu te décales d'un pas, sauf que comme t'es quand même gros... Il me rentre dedans, oups, excusez-moi. Vous vous êtes fait mal, et tu sais comme ça, j'essaie de le relever et tout. Ok, est-ce qu'on a un qui agit pour aller chercher le papier ou est-ce que vous le laissez tomber éternellement? Moi je vais descendre, aller chercher et partir. Ok, tu descends. Non, c'est bon, j'ai juste trébuché. Là, vous avez l'air d'avoir mal. Attendez, faites voir ça. Non, mais c'est bon, je vais bien. Attendez, laissez-moi voir ça. Je vais leur tomber dessus sans faire exprès. Hein. Non, si je fais Brute, tiens-le s'il te plaît. Il a pas l'air d'avoir envie que je le sculpte. Hop. Attendez, foire ça. Putain, avec ses gros pins, ça fait. Je me coupe la tête. Je t'emmène vers toi pour te faire 10 ans au sculpté. Alors fais-moi, fais-moi pour lui, pour voir comment il gère ses mandibules brutes. Alors là non, là il a 3, il a le choix. Vous en faites 3 ? Ouais, 3. Bon, bleu ou bleu ? Bon bah bleu. Mais sérieusement ? Bah ça va, bleu c'est une réussite. Ouais mais y a plein d'autres couleurs sinon. Du coup t'arrives, tu le chopes avec tes énormes pinces, il peut plus bouger, et en plus ça tu peux lui faire mal autant que tu veux sans que personne ne puisse le remarquer, parce que avec tes pinces tellement grandes, t'appuies juste un peu tu vois avec le côté inférieur, et personne ne le voit, et ça c'est le faire le bobo. Je le tiens juste. Le problème c'est le risque critique, il va être trop content, il va le faire souffrir. Non. Et du coup, moi, comme ça, je regarde un peu si... Enfin, je fais mine de regarder s'il a mal. Et en gros, j'essaie d'attendre le maximum de temps jusqu'à ce que Goula prenne la lettre, tout en bloquant le champ de vision du capitaine de la garde. Je serre un petit peu quand l'araignée commence à examiner. Mais arrêtez, mais ah, arrêtez, mais ah. Ça va, monsieur? Groot. Oui. Groot. Oui. Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Et je pointe un endroit, genre tout en haut de la tour, pour détourner l'attention des gens. Ce groupe de. Oh mon dieu. Groot. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et tu vois que tout le monde en regardé le truc en mode quoi? Mais oui, c'est bien ça. Mais c'est une plume aussi au loin dans le ciel. Mais c'est une plume que je vois là-haut. Et il y a un plafond ou pas? Il y a un plafond, il est ouvert. Ah oui. Mais ce serait pas une plume là-bas? Une plume! Oh mon dieu! Tu vois que les gens sont en train d'un peu de se dépêcher. Toi, Goula, t'arrives en bas, tu chopes la lettre. Il y a un petit mouvement de foule qui sont en train d'aller vérifier, qui s'envole pour aller voir la plume. Bah, je me casse. Mais tu te casses. Et c'est ainsi que tu quittes le jeu. Voilà. Il quitte le pays avec la lettre. En faisant des fucks à ses amis. Est-ce qu'on se rend compte que Goula se barre? Oui, enfin, genre si tu fais gaffe en même temps, oui, tu vois que ça, il a chopé la lettre et. Et bah, je fais. Non, c'est bon, vous n'avez rien. Tu peux le lâcher, Brut. Je le serre une dernière fois, c'est un dernier cri de douleur, puis ensuite je le lâche. Et tu me mets sur le côté. Et je le mets sur le côté. Je le jette. Mais partez! Sinon, je vous mets tous au cachot. Essayez. Et là, comme ça, et là, je dis à Brut, tu as bien travaillé, Poutre. Je suis fier de toi. Oh, les petits frissons partout. J'ai eu le temps de coller dans son bureau avec un autre bout de papier que j'ai jeté jusqu'en bas pour qu'il pense qu'on l'a pas. Intelligent, je t'autorise, c'est très intelligent. Limite un autre de ses papiers. Oh, voilà. Non, mais c'est si j'ai le temps. Je t'autorise. Non, je t'autorise, c'est très très intelligent. Parfait, merci. Du coup, vous, voilà, je suppose que vous allez rejoindre Goula à l'extérieur, comme en mode « Je suis riche et j'ai un papier important. » Exactement. Tellement au-dessus de vous, de la plus tête. Je suis riche et important. C'est pas le papier qui est important, c'est moi. Ok, vous retrouvez... C'est le papier qui est devenu important parce que tu le possèdes. Eh oui. Évidemment. Bon. Eh bien... Vous êtes à l'extérieur, vers la grille des Sanchos. Bon bah déjà, bien joué les gars. Merci beaucoup, je fais beaucoup de travail de jour. Je pense que la grande réussite de la mission revient à Brut. C'est vrai. Parfait. Non, je pense que c'est du travail d'équipe, personnellement. Bon allez, lis-moi ce papier, mais mettons-nous à l'écart quand même. Il va bientôt se rendre compte qu'on l'a douillé, donc faut qu'on soit plus là quand ça arrivera. Vous voulez même pas me remercier? Bravo de m'avoir assisté, Groot. Avec une grande efficacité. Merci beaucoup. C'est mon métier, pépé. Bien joué, Groot. Oui. J'ai les frissons partout. Du coup... Les félicitations venant de toi valent 1000 fois plus que celles des autres. C'est ça. Vous lisez le papier, c'est ça? Ouais. Je le lis parce que je suis sûrement le seul à savoir lire parmi tous ces gens. Ah bah oui, forcément, je veux dire, cette plèbe. tu lis. Tu, en lui disant en voix haute, en fait, c'est une lettre. Cette lettre, qui est écrite assez maladroitement, parle de plusieurs choses. La première, elle parle d'une attaque qui a eu lieu, en disant que tout s'était passé comme prévu, qu'ils ont bien fait gaffe à masquer les traces, ce genre de choses. Et la chose qui te titille, c'est, quand vous lisez, hein, en bas, vers la fin, donc du coup, il y a l'explication, voilà, comme vous l'avez comme c'était prévu, nous avons fait l'attaque si décidée, et ainsi de suite. Vient alors le paragraphe qui va « Nous sommes prêts pour la prochaine, enfin la phase finale, ne pas oublier le plan B en cas de problème. » Ça traître. Ouais, mais c'est quoi le plan B? Et là, la lettre te répond. Et là, la lettre, comme ça, tu vois, il y a des trucs qui continuent de s'écrire comme dans le journal de Harry Potter. Non, non, mais c'est genre la lettre, tu sais, qui hurle Harry Potter. C'est dans ce coup, elle prend forme, elle te répond. Génial pour la discrétion. Non, je propose qu'on apporte cette lettre à Frost. Ouais, il sera sûrement quoi en faire. Au maître de la ville, disons. Ouais, à Frost. Très bien. Vous allez dans la cour, vous allez voir Frost. Putain, je vais devoir reprendre l'accent du bourge des prisons. Moi aussi. Alain, de son prénom. Alain Frost, putain. Non, ça marche pas comme ça, par contre, prénom intre. Très bien. Du coup, vous allez voir Frost, je vous laisse du coup parler avec lui. Bonjour, mon cher ami. Oh, bonjour, mon cher ami. Nous avons des informations de la plus grande importante ici même. Je lui donne la lettre. Oh, regarde, tu vois qui l'apprend, qui se met un peu les cas. Mais qu'est-ce que c'est que ces calomnies? Mais... Plaît-il En prenant l'accent des chevaliers du Zodiac. Les mecs sortent juste des mots comme ça, genre, mais sans aucun sens, c'est juste parce que c'est des mots de la haute. Non, par contre, Calomnie était bien placé, va te faire foutre. Je ne peux pas y croire. Bah, merde, où avez-vous trouvé cette lettre? Dans le bureau du chef de votre garde. Enfin, de votre garde de sang chaud, d'après ce que j'ai compris. On a eu du mal à le subtiliser. Ouais, la garde des paysans. Mais. C'est un de mes plus fidèles bras droits. Eh bien, toute évidence. Il est temps d'en racheter un autre. Tout ne s'achète pas, Goula. Oh, ça vous savez, moi, je sans croire ce qu'il le dit. Je tiens à préciser que vous n'avez pas de bras. Vous avez des pattes. Ok. Oui, mais monsieur, c'est un nom, bras droit. Ce n'est pas un membre. C'est votre bras. Il n'existe pas le mot bras pour un membre. Qu'est-ce que vous racontez? Excusez-moi de vous déranger, messieurs, mais je ne pense pas que l'heure soit à la rigolade. Vous avez tout à fait raison. Arrêtons ces balivernes. Tout de même pas de bras. Ça ne veut rien dire, bras, à part. C'est juste un terme pour signifier quelqu'un d'important au gouvernement. Oh. Bon, très bien. Et ensuite Est-ce que vous avez des informations sur ce fameux plan final? Pas vraiment, non. Mais on y travaille. Non, on voulait juste vous en parler avant. Je suis sûr et certain que ça a un rapport avec le producteur. Pourquoi cela? Parce que l'affaire du reproducteur, il y a je sais pas combien de cycles dont on parlait, avait l'air de lui tenir. De reproducteur? De quoi faites-vous affaire? Référence. Référence au producteur qui était blafardé et tout ça. Je ne m'en souviens pas. Il me semble, Goula, que cette histoire de blafard il y a 3 cycles n'était qu'un mensonge et une fausse piste qu'on décernait, enfin, destiné à notre groupe d'investigation. Ça aurait été une affaire, oui, qui aurait eu lieu... Bah si ça dit rien, on peut mettre à Monsieur Frost. Complètement faux. Non, mais... vous avez un nom, quelque chose du genre, si vous savez... Il n'a pas voulu nous donner de nom. Il nous a dit... Bah, c'était un reproducteur, quand même. C'est important, un reproducteur. En plus, il était blafard. Vous imaginez combien de blafards qui aurait pu naître de cette connerie ? D'autant plus que le maître de la garde, qu'il l'avait lui-même achevé en dehors de la cité. Mais, je vois, vous faites allusion à... Sarka, oui. Pardon ? Oui, Sarka, c'est ça, il vous avait donné le nom. Scara, vous voulez dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? N'était-ce pas Scara ? Scar. Comme dans le roi, non. Long life to the king. Scar, vous savez, on oublie vite les noms par ici. Enfin, vous l'aviez pas noté. Bon, là n'est pas la question. Oui, ça y est, je vois à qui vous faites allusion. Écoutez, bon, on n'a pas eu, c'est vrai, de preuves de sa disparition. Mais étant. Ayant confiance en mon bras droit, lui m'ayant rapporté qu'il l'avait exterminé, je l'ai cru. Se pourrait-il que tout ne soit que mensonge ? Visiblement. Voilà ma théorie. Il ne l'a pas tué, il l'a gardé à l'abri. Scara qui a créé toute une bande dans le coin, qui s'occupe de se venger de la cité depuis qu'il s'est fait virer de son boulot de reproducteur. Mais affaire classée. Ça servirait, excusez-moi du terme, mais les intentions de mon... Peut-être chercher une fille à prendre votre place. Oh, quelle omerie, vous. Ce n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Vous avez une logique assez... limitée. Merci, Boot. Vous les intres. Ça veut dire quoi, logique ? Une sorte de courtoisie. Non. Écoutez, je vais lancer des recherches. Essayez de savoir. Je vais le faire ramener à la cour. Vous pouvez essayer de l'interroger sur une chose pour savoir plus sur cette histoire d'attaque finale, plan final, je ne sais pas quoi, comme vous l'avez dit là. D'accord. Merci. Du coup, concrètement, comment on doit faire ça ? Enfin. Je l'emmène, il sera incarcéré par la garde compétente. Et. Et s'il y a des complices à lui ? Écoutez, au moins s'il est ramené ici, si c'est vous qui l'interrogez, il pourra pas mentir un complice. Pendant ce temps-là, j'enverrai d'autres gens, puis vous pourrez enquêter après sur le terrain. Mais pour l'instant, je propose de l'interroger directement en plein milieu d'une cellule. Très bien. Qu'est-ce que je t'ai fait, mon dieu? Bah, en fait, c'est Shrafari qui a... Qui a vénère l'escargot. Non, l'escargot, il insulte tout le monde. Dis-toi que tout ce qui t'arrive n'est que la cause de Shrafari. Mais j'ai rien demandé, moi. Mais je le pensais pas. Ah, t'as merdé. Y a un mini escargot vénère qui vous suit partout avec un regard hyper vénère. Tu sais qu'il lâche des grosses punchlines. Mais oui, il a des punchlines, regarde tout le monde, il fait des fuck tout le temps. C'est en fait, en réalité, il y a un petit groupe de escargots comme ça qui font POM POM POM. Voilà. Vous avez du coup. Mais quel salopard! L'escargot vénère. Alors. Ensuite. Bien. Vous. du coup, bah, vous suivez le Frost jusqu'à la tour de garde. Il fait incarcérer. Incarcérer enfin, par la garde. En fait, il l'emmène dans une cellule et vous laisse avec lui pour que vous puissiez discuter. À part si vous l'avez eu sur le terrain avant. Non, moi ça me paraît bon. Ça me paraît bien de l'interroger. On okay. a combien de temps avant qu'il soit incarcéré? Bah ça, il fait directement. Si vous voulez pas aller chercher avant, il le fait directement avec vous. Je préfère y aller par moi-même. Je veux dire, attraper le chef de la garde. Bah, il y a des gens, c'est lui. Comment ? Il part avec vous, donc de toute façon c'est fait rapidement, hein. C'est-à-dire qu'il part en même temps que vous, et en quelques secondes il est incarcéré. Très bien. Bon. Il n'y a pas eu de poursuite quoi, il a juste fait « ok, d'accord bah, ». C'est-à-dire que je vous ai un peu skip la scène, parce que bon, j'aimerais pas non plus finir à 4h du mat quoi, mais... Le Frost, comme vous l'avez nommé, il a il a une garde personnelle, donc forcément, enfin genre à 8 contre 1, quand t'es menacé. Sachant que vous étiez là en plus, donc ça fait même du 12 contre 1, tu vois, c'est... Alors peut-être que toi, t'aurais essayé de fuir, mais lui, en tout cas, il a pas essayé. On mourra jamais. Bon, ouais, d'accord, ok. Bon, il s'occupe de lui poser des questions. Ok. Sachant moi, je viens. En plus, hein, Brut, il vous laisse oui. avec lui. Donc, tu seras le méchant flic. Moi, je veux bien juste qu'il parle de la lettre. Moi, je serai. Je ne connais que la courtoisie. Je ne suis que courtoisie. Donc, tu seras le flic courtois. Qui sera le méchant flic? Non. Voilà. Moi je suis le bourgeois qui regarde. Bon, et ben, moi je suis le mage qui regarde. Moi je suis le scarab qui regarde. Oh. Moi je peux pas faire la méchante. Vous allez faire votre jeu. Trop jeune et je suis trop belle pour ça. Oh, vous savez quoi, vas-y, je suis une Arrakis, je vais jouer la méchante. Vas-y. Ah oui, voilà. Ouais, ça marche tellement bien avec toi d'ailleurs. Je joue de ton espèce un peu. Mais si de la tienne. Ça sert à quelque chose d'être une araignée quoi. Bon, c'est pas tout, il vous regarde en mode bon moi on fait quoi. Bon. Excusez-nous, on arrive. Là on se fait par un espoir. Écoute-moi bien. Disons que j'ai faim et que ta survie va dépendre de tes réponses. D'autant plus que tu m'as l'air d'être une personne qui a l'air de créer un certain déséquilibre dans cette ville. Déséquilibre? Je déséquilibre rien du tout. Moi, je garde la garde. Shra. Et je m'approche vraiment, c'est comme ça, il doit y avoir un millimètre entre moi et son visage. Vous sentez pas très bon. je lui donne un coup d'haleine en plein dans le nez. Quel manque de respect! Et puis je vais m'approcher, je vais commencer à le tenir. Ok, tu le tiens. Et je serre. Et je le serre bien. Ouais. Ah putain, mais pas encore! Lâchez-moi! Et cette fois, j'y vais pas mollo. Je lui brise les os, enfin les pattes s'il faut. Ok. Shra, tu peux nous parler? Pourrais-tu lui montrer ce que nous avons trouvé dans son bureau? Voici. Je sors la lettre et je la lis à haute voix. Ceci, c'est un complot. Jamais je n'ai eu connaissance de cette lettre. Ouais. Je la serre plus fort. Je desserre. Je répète ce que je vous ai dit juste avant. Mon ami est ici présent. Je resserre. Mon compagnon ici présent. Oh, oh, et ça devient chaud. Ouais. Je fais un petit clin d'œil. Et je resserre encore plus fort. T'entends, commence à entendre. Brut, arrête de serrer s'il te plaît. Je desserre. Pas toi qui voulais serrer. Je serre encore plus fort. Mon ami fou là, attends. Ce scarab ici présent a l'air de... Je pense que vous l'avez remarqué par vous-même. et plutôt sur les nerfs. Quant à moi, je commence à avoir faim. Je pense que dans votre intérêt personnel, il serait temps de répondre à nos questions. D'autant plus que non seulement j'ai faim, mais j'ai certaines connaissances dans la souillure qui me permettraient de toucher quelqu'un, disons. Mais vous ferez pas ça. Tu fricotes avec des blafards. Je suppose que ça ne te dérange pas d'en devenir un toi-même, n'est-ce pas? Je suis pas un de ces monstres. Je resserre. Donc, tu réponds à mes questions ou pas? Je réponds. Je desserre. Bien resserré. Pardon? J'ai pas entendu la demande. Desserré. Oui, je desserre, très bien. La question est la suivante. Je te laisse la poser. Et je meurs. Non, je prends une grande inspiration. Et là, il parle vite. Et là, je serre un coup fort et je descends juste après. Non, plus sérieusement, dis-nous en quoi tu es impliqué et qui sont tes contacts. Qu'avez-vous prévu de faire? Quel est ce putain de plan B dont c'est les questions, cette putain de lettre? Ok, reste courtois. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est magnifique. Mais. Si vous me ferez pas de mal si je parle. Peut-être. Brut. Ça dépend si tu te dépêches ou pas. Je sais un peu. Brut. Oui. Tu dois promettre de ne pas lui faire mal si je ne t'ordonne pas l'ordre. D'accord, ça ne fera pas mal. Bien. Bon, voilà. Il se trouve que le plan final, c'est vous allez rire, une attaque de la ville. Par quoi? C'est pas très original tout ça. Vous serez combien? Pourquoi, comment ça, c'est pas très original que... C'est vous le stratège, c'est ça? Vous remettez en plan en question mon plan, c'est ça monsieur? On parle de combien de balafards? Et qu'est-ce qui va attaquer? La ville, il faut... Je crois qu'il a pas compris la question. Qui va attaquer? C'est une troupe blafarde. La même troupe blafarde qui attaque les convois, n'est-ce pas? Disons plutôt le regroupement de toutes les troupes blafardes qui attaquent le convoi. Très bien. On parle de combien de blafards? Beaucoup. Dans combien de temps? Le soleil, on est où là actuellement? Aucune idée. Vous le regardez? Je regarde. Enfin, dernière question. C'est quoi le plan B? Malheureusement, je ne sais pas. Il peut y avoir une erreur de communication, mais on n'a pas de plan B. Brut. Fous de ma gueule. Je vous jure. Je me rapproche de lui vraiment. Je veux vraiment être très très proche de lui. Le regarder dans les yeux. Ça, mes 8 yeux sur ses 2 petits yeux. Tu es sûr de ne pas vouloir répondre? Je suis sincère. Je vous jure. Qu'est-ce qui fait faim ici? Je sais pas de quoi il parle. J'ouvre la bouche, enfin la gueule, et je m'approche comme ça. Je mets mes palpes sur son visage. J'en sais rien, arrêtez. Je vous jure, j'en sais rien. Pourquoi il chuchote? Parce qu'il y a Morgan qui dort. Je le relâche. Ah d'accord. Mais elle est pas dans cette cellule. Ta gueule toi. Je desserre. D'accord. Tu es très sûr. Est-ce que je peux faire un test pour voir s'il ment? Oui. Alors. Blanc ou noir? Bon bah blanc. Ok, tu n'arrives pas à lire, c'est-à-dire que là avec la panique et tout. Et comme t'es pas un intre, c'est plus difficile pour toi de saisir de moi le truc qui pourrait. Bon, eh bien nous allons nous contenter de ça. Shra, quelle heure est-il? On sait rien, c'est l'autre qui est d'abord. Ah oui, ouais, je suis revenu ou pas là? Oui. Avec l'or. Donc, tu reviens avec l'information suivante. La nuit tombe dans moins d'une heure. La nuit tombe dans moins d'une heure. Où est-ce à quand? À la tombée de la nuit. Ok, ça me laisse moins d'une heure pour partir. Enfin, oui. Là, tu vois, je me décale vers Shrey et je me décale comme ça, je lui chuchote. Est-ce que tu peux demander au chef de la ville si on a le droit d'exécution sur cet homme? Frost? Voilà, il est là. Tu vous savez qu'il avait dit qu'il était juste au-dessus ou que vous avez besoin de lui. Ok, ouais. Il descend. Bah, j'appelle. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'exécution? C'est un fait avéré qu'il est traître? Oui. À la race? À 200%. Il a avoué. Exécute-le. Oh, j'ai une meilleure idée. Je vais me mettre devant lui et je vais utiliser un sort de... Est-ce que tu pourrais écrire une lettre pour annuler l'attaque? Leur dire qu'ils sont au courant que c'est un piège. C'est trop tard, là, l'armée est déjà en route et le temps qu'on fasse quoi que ce soit, ça va vous tomber dessus. Mais dis-leur que c'est un piège. L'information, vous savez, ne se divulguera pas assez vite. Pas de soucis, fais-le quand même. Très bien, donnez-moi de quoi écrire. Donnez-lui de quoi écrire. Et je me tourne vers le maître de la ville. Préparez-vous à subir une attaque de plusieurs... beaucoup de blatfards. Vous nous appellerez durant cette attaque. Bien sûr. C'est pas dit. Si, Groot, on va les aider. Bon, si tu le demandes. Merci. Après, moi, je sais pas me battre, mais... C'est pas pour vous. Et je double la somme due. C'est pour vous. Parfait. On parle quand même de 2000 quarts chacun. Hein. Bon, je vais aller préparer les armées. Occupez-vous de cette vermine et dépêchons-nous. L'heure presse. Leur presse. C'est un dicton putain, tu. Bon, mais allons-y. On le découpe, cette homme. Oh, attendez, avant de partir, j'ai quand même bien envie de lui laisser un petit cadeau. Ouais, mange-le. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps, en fait. Bah, il a écrit sa lettre. Il est en train. Bon, bah, j'attends qu'il ait fini. Ouais. Dis-moi comment faire pour contacter tes amis. Ah bah, vous attendez qu'ils arrivent aux portes de la ville et vous leur donnez... Ouais, te fous pas de ma gueule. Non, mais, enfin, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, là, on a plus d'éclaireur, là, on n'a plus moyen de, hein, si vous voyez, de communiquer. Mmh. Donc à part d'aller au pif et tomber sur leur armée, vous allez avoir du mal à donner quelconque information. Bah pourquoi pas toi ? Oui, oui, non, je peux. Putain, t'es con. Bah, on sait très bien qu'il va s'enfuir, hein. Ça, oui, ça oui. M'étonnerait pas. Oui, oui, oui, a priori. Putain, plus l'autre qui avait trop l'espoir. Oui, oui, je peux. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, en effet, ça peut se passer. Enfin, après, ça sera toujours le même problème. Hein. C'est-à-dire que quand je vais les rencontrer, quand même, ils sont au port de la vie, hein, en soi. Mm-hmm. Ouais, donc vous dites ce plan est foireux. Ouais, en fait, au final, on a juste à vous tuer, vous ne savez rien. Non, non, mais si, enfin, si, vous... Attendez. Non, mais si, parce que vous pouvez me garder en vie, parce que... Je vais prendre sa tête entre ma grosse pince et je vais commencer à la broyer. Oula, oula, oula, broute, broute, broute, broute. Broute, broute, broute, stop, stop, stop. Je maintiens la pression, je comprends pas. Broute, ce que tu fais, là, c'est pas assez méchant. Je pense que c'est trop clément avec cette personne. Moi, je pense, personnellement, que avant que tu partes, ou avant que on t'enferme quelque part, ou qu'on t'exécute, j'ai vraiment envie de te laisser un petit cadeau. Une sorte de présent pour tout ce que t'as fait depuis le début. D'ailleurs, petite question. Qu'est-ce qu'il est devenu, Scara ? Ouais, c'est le patron des troupes, c'est ça ? Oui, plus ou moins. C'est vous, Scara. Non. Ah, mince. C'est pas le bon film, ça. Bien. Mais vous savez, vous êtes pas obligé de me tuer, je peux beaucoup vous éduquer. Oh, mais vous tuer serait bien trop clément, voyons. Non, mais vous pouvez me garder en vie, vous me laissez dans cette cellule le temps que la bataille soit... Et quand vous avez gagné, vous revenez me voir, et je vous serai fortement utile. Ouais, mieux, ça va d'être fou de ma gueule. Non, mieux. Bon, messieurs, je m'en remets à vous. Est-ce que je le souille ou pas ? Non, mais... Eh, sinon, vous savez ce qu'on peut faire ? C'est... Non, mais... Non, les gars, on n'a pas le temps. Moi, je m'en vais. Hein. Je sors là. Lui, je sais pas, mais moi, tu peux me souiller. Brute, c'était pas dans cette... Enfin, faut pas voir ça de cette façon. Je veux dire, blafardé. Voilà, le blafardé. Le contaminé avec la blafarde. La quoi ? La maladie, pas bien. Alors lui, tu veux le souiller, mais pas moi. C'est pas ce que j'ai dit. Disons que lui, je veux le souiller, mais pas de la façon dont tu entends le verbe souiller. Enfin, ouais. Le mot souiller. Vous devez pas avoir le même langage sexuel, j'imagine, dans votre espèce. Je savais pas que blafarder était un verbe sexuel chez vous. C'est pas grave, oublie ça, Goula. Parce ouais. Que Shra et Brute semblent ne pas avoir d'avis sur ça. Rempli de jalousie, en tout cas, je vais commencer à arracher un bras. Ouais, blafard de là, je... Oh merde. Donc, bon, je suis prêt ou pas ? Ouais, vas-y. Ok, je me place devant lui. J'arrive de voir devenir fou. Et je casse mon sort de souillure altération et okay. Je fais naître la blafarde en son être. Ok, tu veux qu'il soit un état avancé ou tu fais juste un début de souillure ? Oh bah, un début. C'est-à-dire qu'il faut qu'il souffre. Okay. C'est-à-dire que j'espère bien qu'il va rester dans ce cachot le plus longtemps possible pour qu'il souffre de la blafarde pendant des années et des années, des cycles et des cycles. Ok, alors tu as le choix. Alors attends, c'est très très dur. Hein. Noir, blanc, rouge. Noir. Oh, franchement, rouge. Ah, bon, noir. Noir. Parce que c'est trop dark, moi j'aurais pris ça. Ouais. Okay. Ouais, mais je préfère le communisme. tu l'entends hurler, vous comprenez pas ce qui se passe, toi, tu penses que c'est comme ça se passe, la reproduction chez... Je regarde avec un petit air envieux, moi aussi, je veux. Moi aussi, je veux me reproduire. Et vous l'entendez hurler, là, ça, y a une énergie qui se dégage du côté de la Arrestis. Et d'un coup tout s'arrête. Tu le vois tomber au sol avec déjà une de ses membres en moins parce qu'il a été arraché par Brute, jaloux de sa relation sexuelle. Et voilà. Que moi qui ai le droit de me faire souiller. Est-ce que vous avez un flacon ou une petite bouteille? Moi j'ai des grosses pinces. Moi je pense que je peux finir une petite bouteille de sang de vie et je te passe. Allez hop. Voilà. Voici une bouteille. Donc, moi je récupère ça et je mets. En gros, je crache juste assez de venin dans la bouteille pour qu'il meure très lentement. Il est sûr qu'il va mourir s'il boit cette. Je veux qu'il soit sûr qu'il va mourir s'il boit cette bouteille, mais qu'il sache que ça va être encore plus douloureux que ce que c'est maintenant. Ok, et tu poses ça sur la table. Et je pose ça et je lui fais: si tu veux mourir, tu bois ça. Et sache par contre que si tu bois ça, ce sera 10, 20, 1000 fois plus douloureux que ce que tu ressens maintenant. Allez, on se reverra. Et je commence à me diriger vers la sortie. Okay, c'est ainsi que vous trois, vous partez au ralenti avec les lunettes de soleil en mode bon, les trucs là. Alors qu'il est l'armée à la porte depuis environ une demi-heure. Ça fait donc 2 heures que l'attaque a commencé. Alors. Oh merde. Vous arrivez. Oh bon, c'est bien amusé quand même. Vous voyez qu'il y a un mouvement de panique. Shraf, Farik, c'est parti faire quoi? T'as été voir du côté de Saint-Chaud? T'as été voir du côté de la garde pour aider, ce genre de choses? Je pense que au niveau de la garde pour les prévenir à toute vitesse. Ah bah, de toute façon, ils étaient déjà prévenus par le truc. Quand t'es arrivé, c'était déjà en train de commencer à s'équiper, ouais. Sur le truc, aller dans l'armerie. Quand tu passes, il y en a qui vient de voir « Si vous avez besoin d'équipement, sors en bas !» Et puis qui continue le chemin. Ok, et je suis allé voir mon garde du corps aussi. Parce que, ouais, de souvenir, j'avais un garde du corps. Ah bon? Ah, c'est dans ta mémoire, c'est ça? Ouais. Ok. Tu peux me dire un peu c'était qui, ce garde du corps? À ce moment-là, c'était qui travaillait pour... Ah, c'est ma mère, en fait. Toujours paranoïaque, l'idée que je puisse avoir rencontré de mauvaises fréquentations qui m'avaient engagé un garde du corps. C'était un... Ah, je croyais que c'était sa mère, le garde du corps. Non. C'est non, ma mère. Putain. Et non, elle avait sauvé la vie un mec, une espèce de gros scarabée. Puis quand ses gamins sont partis à la guerre, du coup, il est plus ou moins devenu son serviteur. Et du coup, c'est vrai que quand t'es venu en ville, t'avais mis ton scarab au bar, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que c'est pas mon esclave, tu vois. Ouais, c'est ça, tu l'avais laissé, t'avais dit si j'ai besoin de toi, je viens te voir. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je peux peut-être sentir une petite heure pour aller lui parler, pour voir comment il allait. C'est vrai, il y avait ça dans ce souvenir. Ok, du coup, tu vas aller voir ton garde du corps. Les autres, vous sortez, vous arrivez plus tard. Alors que évidemment, je le mets au courant de... Vous faites quoi? Vous arrivez, oui, il y a de la foule partout, il commence à avoir des archers qui s'équipent, ce genre de choses. Je demande à un des archers qui s'équipent, est-ce que vous sauriez où trouver des armures pour une personne comme moi? C'est-à-dire que pour des intres, on a à peu près tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que, bon, on est désolé, mais des... Désolé, mais les, vous comprenez que les Arrakis... Les Arrak, oui. Ouais, c'est pas vraiment ce qui court les rues. Non, vous pouvez à la limite essayer de tricoter quelque chose avec des armures de cuir assemblées, mais on n'a rien vraiment de prévu pour vous, on est désolé. On n'a pas de ça en plus dans l'armée. Donc... On n'a pas de ça. Il n'y a pas dit on n'a pas de ça, c'est juste on n'a pas de... Ah oui, d'accord, je crois qu'il va être des Arrak. Non, on n'a pas de ça. Oh, mais de toute façon, ce genre de personne qui me dit ça, ça me fait ni chaud ni froid. D'autant plus que toute sa vie, dès qu'il était à 20 ans. Ah. Bon. Donc, voilà, c'est-à-dire que j'ai rencontré pire que lui. Lui, en réalité, comparé à d'autres, il est courtois. Oui. Ouais, un peu trop. C'est important. Que faites-vous ? Bah, je m'attelle à la fabrication d'une armure spéciale pour moi. Ok, je vais te faire un jeu de Blood Power. Ton côté, Brute, que fais-tu ? Vous pouvez pas jouer des cartes, hein, comme Charlie, n'hésite pas à les utiliser. Bah, vu que je suis con comme une poêle, moi je reste à côté de ma dulcinée. Hein. Très bien. Ah ouais, d'accord. Ouais, t'as un problème. Très bien. Sache que tu as le choix entre blanc et blanc. Ah bah franchement, là, je pense que le choix est difficile, mais blanc. Ok. Ton côté, mon cher Goula, que fais-tu ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein ? Je suis un bourge. Bah, tu t'installes quelque part et tu regardes. Eh, tu sais te défendre aussi, Yabu. Oui, bah je sors ma découpeuse et je me prépare au combat. Ah bah voilà, au moins. Arrête de siroter ton sang de vie. Oui, oui, de toute façon je l'ai fini. En fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, Goula, il est hyper balèze au combat. Je suis hyper balèze. Mais oui. Enfin, hyper balèze peut-être pas, mais il est puissant, tu vois. Je suis hyper balèze en 2 secondes jusqu'à que je prenne une seule attaque et je meurs. Dis-toi que, genre, en mêlée, il est aussi fort que Brute. Que Brute. Par contre, pas en prédateur. En mêlée. Ah, d'accord, ça me rassure. En prédateur, c'est le deuxième meilleur. Ah oui. C'est qui est le meilleur en prédateur? À ton avis. Ah, Brute, ouais. Tu veux que ça soit qui? Ah, je sais pas, j'hésite. Bref. Non, en vrai, ne t'inquiète pas, je sais que c'est toi, Brute, le meilleur prédateur. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Oh, arrête, il va tomber fou amoureux là. Non, ça veut dire que tu me prends en considération. Au moins comme un prédateur. C'est le plus beau jour de ma vie. Du coup, vous préparez, vous voyez qu'il y a un mouvement de foule énorme. Tout le monde est en train de se préparer. Il y a des putères, des apis, il y a 10 myrmides à peu près. En fait, c'est assez fou. Il y a plein de races et d'horizons différents qui étaient venus dans la ville, donc dans la garde, mais aussi tout simplement des citoyens qui savent se défendre, qui sont appelés. Les autres sont recroquevillés en fait au centre de la ville. Donc, dans la tour de garde, ils vont être mis en sécurité normalement, non loin des Sanchots. Il y a un petit message, vous voyez, qu'au loin, si vous montez sur les remparts, il y a des mouvements de troupes qui commencent à s'approcher de à peu près de tous les côtés. Ils commencent à avoir des signalements, des éclaireurs qui annoncent qu'ils sont en train d'arriver. Là, un des chefs du corpus d'armée qui annonce que si jamais on arrive à un point critique, il ne faut pas hésiter à lâcher les Sanchots afin de. Parce que ce sont des armes fort utiles en cas de défaite. Et comme ils sont éduqués pour ça, justement. Voilà. Brute, dis-moi. Moi. Il te reste toujours tes champignons? Oui, on n'y a pas touché. Passe-les-moi, va falloir que je fasse des doses de soignants. Je lui fais confiance, je lui passe. Ça fait 10 quartz. Je n'ai pas d'argent, Brute. Voilà. De toute façon, je comptais pas vraiment te faire payer. Je suis d'un dernier résigné. En baissant les yeux. C'est trop mignon, le petit Brute qui se souvient de moi. Oui. Et c'est vraiment fait comme ça. Franchement, je le vois comme ça, qui est un peu triste. Alors, je lui fais un bisou sur la joue. Le bisou. Oh là là. C'est juste ça. Un petit poutou. Il y a un petit Philippe Poutou sur ta joue. Et là, je la regarde, c'est vraiment pas ma plus fière érection de phéromone. Ok. Vous entendez des cornes, des bruits de cornes sonner. C'est sûr, l'attaque est en train d'arriver. Il y a des hurlements. Si l'un d'entre vous... Alors, vous êtes placé comment? Vous vous mettez plutôt en arrière, sur les remparts? Comment? Debout. Va te foutre. Est-ce que j'ai fini de faire mes doses de... Oui. De... Très bien. Je pense qu'il y a que t'as vite fini, juste avant que ça arrive. Est-ce que j'ai pu les distribuer aux membres de notre groupe? Allez, je te laisse le faire. Bah du coup, je le fais. Combien j'ai de doses? Sachant que j'ai un intram. Bouge pas. Tu as 4 doses. Bah c'est parfait. Une dose par personne. Exactement. Donc tu distribues les doses. Shrafra... fille illégitime de Navid Frarik et de Merat Naven. Où es-tu? Où est-ce que tu te positionnes? Moi je reste un petit peu en repli. Après, étant donné que j'ai une cadence à me déplacer qui est assez pratique, s'il y a besoin d'aller relayer des infos ou genre me surélever très haut pour jeter, j'en sais, une grenade ou une connerie. Ok. Mais je me sens pas l'âme d'une combattante, j'ai pas envie de risquer ma vie. Et je reste près de mon carte du corps au cas où ça viendrait mal tourner. Ton ami Scarab. Effectivement. Exactement. Qui s'appelle Oxane d'ailleurs. Oxane, oui, c'est ça. Oh. Gouda, toi, tu étais où? Tu fais quoi? Moi, je suis allé sur les remparts. Ok, t'es sur les remparts. Oui, je suis prêt à taper. Okay. Tu vois que ça arrive, ça fonce dessus. Je mens pas à Brute, mais je suppose que Brute est à côté de... Moi je reste en première ligne devant. Ah ouais. Ok. Il a dit okay, devant toi qui les attends. Là il y a du combat, t'es content. Moi je me... Il est conçu pour ça donc... Moi je me place à bonne distance, histoire de pouvoir surveiller Brute et Gula. Okay. Au cas où je devais faire du soutien par exemple pour accélérer l'un des deux pour qu'il puisse faire plus d'action en un seul tour. Effectivement, c'est très intelligent. Très bien. Du coup, vous voyez que ça fonce sur vous. Ce qui vous fonce sur vous, c'est très difforme. Vous connaissez à peine des fois la race de base de vos assaillants. C'est très différent, c'est-à-dire vous pouvez voir rapidement genre une myrmie, donc les araignées bien entendu, une des fourmis, sauf que sa tête est une énorme pince au-dessus, enfin c'est clairement... Oh, elle est trop cool. Attends, arrête d'être attiré par le côté obscur. Mais ils sont trop cool. Donc voilà, qui sont renforcés dessus, on va rapidement... faire des jets de d'initiative juste pour voir à peu près comment ça se passe, donc c'est par rapport à votre attitude. Juste pour savoir, ils sont... c'est une petite armée qui fonce vers nous, et donc on a des copains nous ou... Oui, bah, vous avez tous les gardes de la ville. Bah, on a tous les gardes de la ville, ouais. Ça marche. Comment elle s'appelle la ville d'ailleurs? La ville c'est une cité, je vous avais dit le nom au tout début, faut que je regarde la map deux secondes, en plus elle est loin. Oh putain, elle est lisible celle-là, vitamine possède. Foiré, ça fait beaucoup c'est... de noir. Ah, putain, c'est celle qui est au-dessus du croissant vert en gros. Mais le nom, c'est. Ah putain. T'es chiant avec tes questions. Ouais, Lita. C'est celle qui est au bord de la mer? Bah, tout à fait. Je vous ai dit, c'est une non loin de Lita, mais on considère que c'est un peu comme si c'était, c'était elle. C'est parti. D'accord. Bref, du coup. Ok. Alors. Tu as deux. Non. Alors, je vous donne l'ordre de secondes. Tu as combien d'activités? Tu as un. Très bien. Toi, tu as quatre. Oula. Il faut agir. Très bien. Et toi, tu as 3. Très bien. Alors, dans l'ordre, où est-ce qu'il va se passer? On va voir. Ok, alors laissez-moi juste me faire une petite liste, comme ça je sais. Vous préparez une stratégie ou un truc du genre. Mmh. Ou si vous avez des idées. Si vous voulez discuter, par exemple, dire « Ah bah moi j'ai pas beaucoup d'activités, ça serait bien que tu m'accélères Vous avez le droit, c'est le moment stratégique. Je serais pas contre l'accélération personnellement si je suis dans le temps. Ouais, bah je vais faire ça. Du coup, ceux qui n'ont pas beaucoup d'activité, c'est Brout et Gula, t'en as beaucoup toi, non? Ou c'est... Ouais, normalement j'en ai beaucoup. Enfin, je crois. Oh, mais la Vespal aussi, elle en a. Ouais, je vais regarder. Il y a Groot qui est là, c'est tout. Moi ça va. Enfin, plus ou moins, oui. Moi ouais, je fais 4. T'as risqué mon activité là-dessus Sur la fiche de perso. Ouais, toi t'as 1. Ouais, c'est moi qui ai 1. Et Gula, il a Il a 4, c'est le meilleur, je crois. Ah, Gula et Shra ont 4. Non, il a 2, c'est Charlie qui a 4. D'accord. Et du coup, je pourrais en passer, c'est ça? Je vais pas trop compliqué, je peux en passer? Non, c'est moi en fait, je peux agir sur le temps. Ah, d'accord. Oui. Moi j'aurais pu en passer, mais non, ouais, du coup. Ouais. Non, j'ai un certain contrôle sur le temps qui me permet d'accélérer quelqu'un. Est-ce que je pourrais tenter? Oui. Alors, petit move, petite stratégie, vous me dites ce que vous en pensez. Surtout avec toi, Boursouffleur. Je t'attrape, je décolle et je te lâche dans la mêlée. Oh. Ça, tu leur atterris dessus en mode gros bourrin, mais littéralement, ça, tu leur manges dessus, tu les tabasses, et je vais te rechercher juste après. Pour quand même pas que tu crèves, parce que sinon. Normalement, le moindre contact avec un blafard. Non, pas forcément. C'est plus compliqué. Enfin, après, tu sais, la maladie blafard, elle est loin d'être maîtrisée, hein. C'est pas vraiment ce cas. Effectivement, ça fait partie des théories qu'il y a. Mais de toute façon, quand t'es dans une bataille en mêlée, t'as pas d'autre choix. Hein. Je refuse catégoriquement. Donc c'est pas sûr, mais je n'ai pas envie de te forcer. Si tu veux aller dans la mêlée, vas-y. J'irai dans la mêlée, mais j'ai pas envie qu'on me larre comme ça. D'un coup. Donc le tout premier à pouvoir agir là tout de suite maintenant, c'est Lifoulra. Qu'est-ce que tu fais? Shra n'agit pas avant moi. Non. Ok, bah. Parce en fait, l'activité ça donne le nombre de blasts que tu tires, je note par rapport à l'ordre des couleurs que vous avez tiré. Ce qui fait que par exemple, tout à l'heure, Charlie pourra agir deux fois d'affilée. Mais là, tout de suite, c'est toi qui commence. Est-ce que c'est. Donc, sphère magique du temps, mode pouvoir de contrôle. Ouais. Le principe c'est d'accélérer le temps. Ouais. Sur Groot. C'est-à-dire que Groot va plus vite que les autres. Ok, ce qui fait que tu pourras gagner une action, ce qui sera déjà pas mal. Et à l'impression que les autres vont. Alors, du coup, ta-ta-ta, ça fait. Ok, c'est dans le système de taille. Tu te concentres, tu as cette sphère qui se matérialise et qui, d'un coup, donne une impulsion. Il va gagner d'ailleurs une blatte d'activité et il va pouvoir jouer son tour maintenant. Très bien. Du coup. Tu as l'avantage d'avoir une action en plus, donc Brute, qu'est-ce que tu fais là maintenant tout de suite? Tu te sens que t'as accéléré, tu sens que les autres sont lents par rapport à toi. Il y a du combat autour de moi là. Bah là ça arrive, là c'est le moment où les tu sais comme les Wall of Death, c'est le moment où ça se rencontre. Ouais, ok, bah je vais attendre que le Wall of Death passe et puis j'arriverai après quand ils seront chargés pour pas me prendre le choc et puis j'irai dans le temps en fait simplement. Quoi. Okay. Ceux qui passent à portée, j'ai le droit. Il y a un choc qui passe, tu fais... Tu vas tu tentes à choper le premier qui passe quoi. C'est ça, je chope tous ceux qui passent et j'essaie de broyer leur crâne entre eux. Okay. Alors je suppose que à partir du moment où il y a une rouge dans tes trucs et t'as le choix, tu vas prendre rouge. Oui. Voilà. Très bien. Je vais voir au niveau des dégâts du coup. Okay. T'arrives. T'en destroys mais au moins 4 ou 5, toi, t'as tac tac tac tac. Il y en a un qui te plante, qui tente de planter une pique. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais pas essayer de l'esquiver, je suppose que ce serait perdu d'avance, je vais l'encaisser. Ok, tu veux l'encaisser. Du coup, t'as combien en chitin? Tu as 5, donc. Ok. Tu te prépares à l'encaisser, mais son coup rate en fait à la dernière seconde. Tu sais pas s'il a mal prévu sa trajectoire ou quoi. Ça atterrit juste à tes pieds. Donc tu as l'avantage sur lui, tu peux riposter tranquillement. Là, c'est l'occasion de riposter. Ok. Donc, tu fais une riposte, t'arrives, tu lui fous un coup, tu lui fous au sol. Maintenant, toi, Shrafari, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, du coup, est-ce qu'il y a des grenades à disposition? Une espèce de projectile. Dans l'armurerie, il y a des grenadiers, ce genre de choses, donc qui suit que tu chopes un ok, je prends un projectile, justement. Donc, si possible, grenade. Je me propulse en l'air et je le jette... Okay. Mais alors, pas à l'avant, où il pourrait y avoir des alliés, à l'arrière, dans le but d'affaiblir les renforts, entre guillemets. Ok, de l'envoyer le plus loin possible, au fond, quoi. Exactement. Alors, pas forcément le plus loin possible, mais... Bah, vu que je suis rapide et que je peux me permettre d'attaquer en arrière, en fait. Ok. Bon, normalement, t'as le choix, mais comme t'as fait trois fois la même couleur, ça sert un peu... t'as fait bleu. Ok, donc tu t'arrives, tu l'avances. Alors, pour le tir, par contre, si je l'ai pas fait, tu tires ta famille. Bon, du coup, réussite aussi. Donc, tu la balances au fond, la grenade qui balance. Mmh. Alors, quand je dis grenade, hein, c'est pas une grenade comme on a dans le monde, nous, hein, c'est des trucs de fabrication, feuilles et dedans. Oui, bien sûr, bien sûr. Okay, tu l'avances, tu vois qu'au fond ça enflamme quelques seins, tu les entends hurler. Ok, toi aussi, toi. Tu peux réagir, qu'est-ce que tu fais? Encore? Ouais. Est-ce que je vois de leur côté quelque chose que je pourrais enflammer ou je sais pas quoi? Oh, une tente! Ou une merde comme ça, oui, il pourrait y avoir un chef. Alors, tu regardes. C'est pas forcément le temps, mais ça c'est le genre de truc où les chefs sont portés, où il y a des soldats en fait qui le portent, et lui en fait comme ça il a une vue d'ensemble de ce qui se passe. C'est pas je vais chercher un projectile et je vais essayer de le jeter à ce niveau là. Ok, mais comme c'est enflammable effectivement. Ok. Donc pareil. Bleu ou blanc? Bleu. Ouais, ok. Ça tombe jamais, peut-être envie de rater pour faire durer la règle de l'action. T'arrives, tu balances ton projectile, donc c'est inflammable ou c'est juste un projectile pour... Inflammable, ouais. Ok, inflammable. Tu balances le projectile inflammable. Ça tombe sur le truc, tu vois, le truc commence à prendre feu, ça crée un petit mouvement de panique. Ok. Goula, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai une chose pour les remparts, donc techniquement, ils sont pas encore... Oui, mais tu peux tirer de loin, si tu veux, en prenant un arc ou un truc genre. Ou non, je sais pas tirer, c'est pas la peine de le faire. Ok. Après, s'il y a des... Non, c'est trop loin pour lancer des grenades de là. Ouais, non, mais écoute, j'attends le moment, c'est tout. Je me prépare. Ok. Tu perds ton axe, ok. Eh bien, en effet. Ok, c'est un peu triste. C'est un peu triste. C'est un peu triste, mais je suis pas un bourrin. Ok, très bien. Charlie, qu'est-ce que tu fais? Si j'ai l'impression de voir le chef, genre tous ces gars de tourisme sont en train de brûler, sont en train de partir et que lui n'est entouré de personne, je vais peut-être aller tenter d'aller le choper pour le ramener de l'autre côté. Très bien, tu vas tenter. Ce qui n'a pas fini. Si ça se tente, hein. Enfin, j'ai d'elle pour voir si t'arrives à aller jusqu'à au bout, sachant que bon, t'es en vol, t'es à 9. Ok. Et après, ça sera un test par contre d'agilité. Donc, 9. Bon, bah là, t'es largement dessus. Alors, rouge, blanc, bleu, noir ou blanc? Rouge, blanc. Oh là là. Ok. Du coup, t'arrives. Tu fonces dessus. Alors, est-ce que tu vas réussir à le choper? Ça, par contre, c'est une autre question. Dans le rouge, blanc ou blanc? Les autres. J'utilise un de mes trucs bleus. Un de mes jetons bleus du début. Ok, effectivement, ton tablette de chance. Exactement. Ok, donc du coup ça devient une réussite, donc t'arrives à choper le chef et tu commences à partir. Cependant, effectivement, par contre comme c'est ce qui semble être le chef là par contre, ça a pas pu bouger, donc du coup tu sens qu'on commence à te tirer dessus. On va voir si ça te touche ou non. Oh, je suis désolé. Elle est morte. Ah bah là c'est rouge ou bleu. Rouge ou bleu? Ouais, mais c'est pas toi, c'est pas moi. Bah, sachant que c'est pour toucher, c'est pas les dégâts, hein. C'est-à-dire que le mouet, mais... Donc, c'est... Ah, c'est eux qui font rouge ou bleu? Bah oui, c'est... Ah, je crois que c'était mon jet d'esquive, je me disais, bah c'est bon, hein. Soit c'est une réussite critique, soit c'est une réussite jugée large. Ah oui, non, d'accord. Alors, je fais quoi? Parce que là, niveau dégâts, soit il tue, soit il se rate. Mais en soi... Je vais te dire, parce que après, j'ai leur chef avec moi, hein, donc ils... Oui. Ils peuvent tenter de me faire m'écraser quand que je meurs, mais bon, j'ai pas le choix. Oui, mais enfin, en tout cas, il te tire dessus. Sauf si, bien sûr, dans ton souvenir, il y a un truc qui te ferait dire que ça se passe pas comme ça, mais ça ne sert pas qu'il puisse avoir peur de compliquer. Non, pas vraiment. Non, dans mon souvenir, ils ont bien leur flash à la maison. Je sais pas si ça passe. Tu n'as rien pour justifier ça. Non, absolument pas. Donc, écoute, je ne vais pas te tuer maintenant. Parce que je suis gentil. Donc je vais prendre blanc. Bien que je pourrais prendre rouge, j'ai été forcé à utiliser une blatte, mais comme je sais plus ce que t'as comme blatte, je vais utiliser bleu. Ouais, on va éviter que... Donc effectivement, tu sens les flèches, elles t'érafent, mais ta chitine des fois craque un peu, hein. C'est quand même, ça fait des effets trop parfaits. Et tu es en train de partir pendant qu'on continue à te foncer. Toi, qu'est-ce que tu fais, mon cher Lifur? Oui, je suis dans le cas. Ça, c'est limite la fête. Suis-je à portée de voix à qui? De Brut. Oui. Je crie. Ouais, vas-y. Enfin, pas les Brut, si nous survivons et que l'équilibre est rétabli, tu auras droit à un autre. Et je lance un sort de temps contrôle pour l'accélérer. Un autre? Bisous. Oh. Sauf que je peux pas dire bisous parce que on est en plein dans on est en plein à côté de personnes qui. Ouais, j'avoue que là si on serait vivé. Ah grave, le pauvre, et j'ai pas envie de. Pareil. Ok, bah bleu, vert ou blanc, je sais plus si tu vas prendre vert. Ouais. Parfait. Du coup, tu utilises ton action, ce qui fait que tu donnes une action encore à Brut. Brut, qu'est-ce que tu fais? T'es dans plein milieu d'action. On vient de te dire si vous survivez. Survivez. Je tue et je suis motivé. Très bien. Je regarde, il fait. Ouf. Bon. Noir, blanc ou blanc? Blatt. Bleu. Très bien. Bonne idée. Ok, du coup, tu tues effectivement. Ok, ouais, très bien. Bah, tu tues très très bien. T'arrives, tu t'en enchaînes toujours. Tu vois qu'il y en a un qui te fourre dessus. T'arrives même à le prévoir. Tu le déconfondes avec ton immense pince. Tu continues comme ça en plein milieu de la bataille. Ok, maintenant c'est encore à Goula. Que fais-tu? Mais là, c'est le moment où je me souviens que j'ai des ailes. Que fais-tu? Oui. Et du coup, je m'envole. Et je vais essayer de passer par-dessus, genre de faire un rasement au-dessus de la masse de zombies mutants, là, de blafards, et donner des coups de découpeuse en passant. Stylé. Nickel. Très bien, donc je vais faire un jet d'aile pour voir comment ça se passe. Ça se passe bien. Hein. Je vais faire du coup un jet de mêlée pour voir comment ça se passe. Est-ce que ta découpeuse est en rectacule, par hasard? Je crois pas. Non. Tu pourras en faire si gagne. D'angle. Oh, cool. D'angle. Bleu. C'est bien bleu. Ok. Ah, vous t'as hésité parce que tu dis. Ah merde, je sais plus c'est quel bleu. Bonjour blanc. Quoi? C'est oh, vrai? Ah, blanc? Non, rouge. Ok. Donc t'arrives. T'en décapite facilement 4 ou 5. T'enchaînes. Tu vois que. Alors peut-être en rentrant français. Il y a, vous n'êtes pas forcément gaffe, t'as rond de foncer sur un des piliers ennemis. C'est-à-dire que là, si tu touches, par contre, bah, tu t'es transpercé. Que fais-tu? C'est 5 secondes de réveil. 5. Alors, un des piliers ennemis? C'est quoi, c'est un pilier ennemi? Enfin, comment tu veux dire, tu vois, c'est genre, tu sais, comme un bélier, sauf qu'au bout, c'est pointu. Ah, un bélier. Ah, d'accord. Ah, bah, je le dévie sur la droite, c'est en mode. Ok. C'est comme dans les jeux où tu joues à... Le jeu. Ah. Ouais, tu sais, quand tu joues quand t'es dans un jeu avec des avions, tu fais... Ouais, alors du coup, tu prends quoi? Blanc ou blanc? Ouais, bah je vais prendre blanc. Mais tu sais, je tombe. Non, je sais pas à quoi il sert. Utilise une carte. Attends. Ouais, dans mes souvenirs. Oui. Ouais, attends, non, je suis pas bon pour ce genre de truc, vas-y, je meurs. Merde, je déteste. Très bien. Il de se lever tôt demain matin. Donc, niveau dégâts. Très bien. T'arrives. Tu réagis juste à la dernière seconde. Le truc t'éracle et te découpe un morceau de ta chitine supérieure. Magnifique. Ouais, ça fait que tu prends des blessures, mais ça je note, moi je vous fais pas chier à noter les blessures, c'est moi qui note. Très bien, du coup tu dérives comme ça. Maintenant qu'est-ce que tu fais, Brute? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à part taper de toute façon? Ah bah tu peux taper différemment, tu peux dire je m'amuse à en prendre un, à le découper, enfin, voilà. Ça n'aura aucun intérêt, mon but c'est de tous les buter. Qu'est-ce que ça comme capacité, dis-moi? Tu passes dans les yeux, du blocage. Ça arrive, tu continues à découper de manière ultra simple et de la courbe. Tes pinces, t'as été conçu pour tuer. Maintenant tu le ressens, tu vois. Ouais, ça y est, je sers à quelque chose. Charlie, qu'est-ce que tu fais? Bah je ramène l'autre, le boss. Ok, on va aller voir niveau flèche, qu'est-ce qui se passe. Alors, encore une réussite critique sur le truc qui te touche, putain de merde mec. Ah, par contre, échec sur les dégâts. Donc, comme tout à l'heure, ça passe à côté, ça t'érafle un peu, tu sens ta chimie qui craque un peu, mais ça va. Du coup, ils ont avancé. Tu te dis quand même, ils sont vachement vivants. Ils ont rien à battre de leur chef, il est avec moi, il lui tire dessus, quoi. Ah bah, ouf. Enfin, encore, tu vois, ça serait des snipers, tu vois, tu comprends, mais là, vu comment ils se ratent... Mais imagine, t'es le garde du corps du président, dès qu'il y a un mec qui prend le président en otage, tu jettes des grenades, c'est... Ah, mais c'est pas ça. C'est parce qu'ils avaient voté Hillary. Très bien, maintenant on continue, on revient sur toi. Gouda, tu viens de faire ton esquive, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah dans mes souvenirs, il s'est passé un truc plutôt bizarre à ce moment-là, c'est qu'en l'absence de leur chef, il y en a 2-3 qui ont pété un câble, vu que c'est des blafards. Ouais. Ils ont commencé à se battre un peu entre eux sur le champ de bataille. Ah, c'est vrai, ça c'est. Écris-moi juste la carte que tu utilises. Non, dans mes souvenirs, c'est pas le cas. Je rigole. Ok. Mais oui, non, c'est vrai, il y a eu ce moment-là, parce que comme il a volé son chef, ils ont totalement pété un pont et ça commençait à s'entretuer entre eux. Effectivement, t'as raison. Ils s'entretuent plus entre eux. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'ils tirent. Tu vois, explication RP. C'est parce qu'en fait, ils essayent de le buter pour de vrai. En fait, c'est lui qui se fait tirer dessus depuis tout à l'heure. C'est pas toi. En fait ils sont tellement mauvais qu'ils le ratent lui et ils frappent toi. Alors très bien. Du coup, on fait un nouveau tour, donc ça commence par Alan Brut. Tu es en train de décapiter. Pour toi c'est vraiment un jeu d'enfant, t'as envie de taper. On se sent. Il y a un énorme scarab modifié, mais genre sa pince elle fait le double de sa taille. Il arrive, il te donne un énorme coup. Qu'est-ce que tu fais? Blocage. Très bien. Du coup, on fait un jet, sachant que ça va mûrir d'une couleur ton jet. Par exemple, si tu fais bleu, ça va devenir vert, ou si tu fais vert, ça va devenir rouge. Alors, blanc ou noir? J'ai en pas de bol. Blanc. Ah oui, si tu fais blanc, ça fait bleu. Non mais. C'est vrai. Ouais, mais mon plus haut, je crois que c'était bleu en fait. J'ai fait. Pas terrible. Bah, je prends blanc du coup. Ok, donc du coup, ça va te mettre en bleu. Très bien. Du coup, tu vois l'énorme pince qui s'abat sur toi, t'arrives à la bloquer. Et tu peux du coup contre-attaquer, parce que t'as fait quand même une petite pause, je te laisse. Contre-attaquer si tu veux. Je vais l'éventrer. Très bien. Je regarde si ça passe. Alors, oui, il y a du vert, donc ça passe, t'arrives. T'essaies de l'éventrer, mais... Ah, oui, bon bah en dégâts, bleu ou rouge, bon bah je pense que tu vas prendre rouge. Oui. Et effectivement, tu l'éventres. Il y a un shot. Boyau qui sort partout, t'es super content, c'est ça que t'aimes. Yeah. C'est pour ça que je suis là. T'es dans ta tête, à moi le bisou. Ok. Du coup, Goulin, qu'est-ce que tu fais? Alors dans mon... en fait, je suis toujours en état de voler ou ce genre de choses parce que je me suis bien défoncé la gueule. Oui, t'arrives toujours à voler, c'est juste tu vas avoir peut-être des fois des petits malus, mais pour l'instant ça va, tu t'es pas énormément de blessés. Ah bah je vais essayer, je vais continuer ma stratégie de voler et de défoncer des gens. Ok. Niveau L, ça passe. Niveau découpage, ça passe. Niveau dégâts, ça passe très très bien, c'est une réussite critique. Donc t'arrives, t'embutes facilement une dizaine. Chlac, chlac, chlac, chlac, ils ont même pas tant de réagir, ils t'ont pas vu arriver, quoi. Et sachant qu'en plus de ça, à côté, il y en a qui sont en train de s'entretuer, alors c'est vraiment... Ça devient un peu facile, c'est vrai. Ouais. Quand même, les événements se tombent bien, quoi, comme ça. Très bien. Du coup, tu peux jouer comme ça. Charlie, qu'est-ce que tu fais? Bah, je le ramène encore. Dès que je suis arrivé... Je fais pas des potes de tout depuis tout à l'heure. C'est bon, là, t'as vu. Eh ben je le lâche au niveau des alliés. Ok, tu lâches au niveau de notre chef à nous. De quoi? Je le lâche au niveau de notre chef à nous, genre à ses pieds. Il a tué notre chef. Non, non, non, au niveau des gardes. Ok, ok. tu le lâches. Pas de soucis. Vous voyez arriver au loin un énorme bélier. Quand j'ai énorme bélier, le truc il fait deux fois. Enfin, j'exagère, mais ça fait. C'est énorme, ça fait genre. Qu'un soit votre taille, le truc est énorme, il a un quoi? Un énorme bélier. Mais comme tout à l'heure, par contre là c'est avec un avant bien bien perçant, qui en rend de foncer, qui en rend de. Alors, en fait il écarte un peu la marée de combat en deux et il en rend de foncer sur les portes de la ville. Et qu'une personne qui peut agir. Question. Oui. Comment ça se passe là un peu la bataille? On gagne, on perd, ah, bah, là, pour... là c'est. Là pour le coup vous êtes pas mal rendu dessus entre le fait. Devenir fou qui se sont attaqués, tout ça, ils en ont le dessus, mais ça peut très vite basculer si ce bélier atteint la porte. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon souvenir, autour oui. de la ville, il y avait des douves, et que actuellement, le pont-levis était relevé. Putain, leur plan de merde, ça se basait sur des paliers alors qu'il y a des douves autour de la ville. Ah, ça, par contre, là, c'est, la porte est fermée, c'est-à-dire que les soldats sont enfermés dehors. Et genre, ça veut dire qu'à aucun moment un mec peut se replier ou des renforts à y aller. Ça n'a pas de sens. Ah oui, merde. Je suis désolé. C'est comme l'animal, en tout cas. Non, le bélier, c'est une espèce de. C'est un peu comme une chèvre. Non, c'est un tronc d'arbre qui est coupé, généralement qui est taillé en pointe avec une espèce de pointe de fer. Non. Avec des roues en fait. Voilà, sur la kiffante, par contre, c'est vraiment un vrai tronc d'arbre, avec, genre coupé en point de. Attends, un tronc d'arbre, on est des insectes, hein. Oui. Genre, ils ont pas besoin de défoncer la porte, ils défoncent la ville avec le tronc d'arbre. Non, mais c'est pas un. Mais c'est un cure-dent. Voilà, vous voyez vraiment le truc, du vraiment du gros tronc d'arbre qui est plus. Non, c'est pas un insecte. Mais c'est pas un vrai arbre, parce que de toute façon, aucun arbre peut porter un arbre, mais tu vois l'idée, c'est vraiment le truc qui est énorme quand je dis qu'il est énorme. Ouais, c'est une branche quoi. Ouais. Une branille. Et bah, chez vous. Putain, j'arrête pas d'imaginer le coup dans la bataille. Une action, dépêchez. 5, 4. Une action pour quoi? J'essaie de ralentir au maximum le temps sur ce bélier. Très bien. Je vais foncer dessus. Je vais attaquer sur les scopes de bélier. Ah ouais, ok. Toi. Alors... T'as même pas posé des 20 secondes en plus. Alors, noir, blanc ou blanc? Bah, blade de chance verte. Ok, t'arrives, tu ralentis le temps. Ça n'empêche pas d'être. Enfin, du coup, elle avance moins doucement, mais elle avance dans sa course, elle s'approche. Moins Charlie, doucement. Qu'est-ce que tu fais? Plus doucement, je crois qu'il voulait dire. Mais le temps est ralenti, mais finalement elle peut quand même sa course, hein, genre elle peut pas la. Oui, bien sûr, mais c'est quand même, elle est censée moins vite. Oui, oui. Très bien. C'est bien. Charlie, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Je sais pas. Charlie? Putain, s'emmerde et s'est fait tuer. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais, enculé? Excuse-moi, je me suis levé 2 secondes. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis levé 2 secondes. Quoi? Non mais on te demande ce que tu veux faire. Non, IRL, je me suis levé 2 secondes, j'ai pas entendu la fin. Non mais tu sais, c'est juste en fait dire qu'elle s'en sort et du coup ça va moins vite. D'accord. Oui bah parfait. Oui mais qu'est-ce que tu veux faire? La bataille, ça va moins vite mais ça continue d'avancer. Déjà, je peux rien faire pour le bailler. Non mais la bataille est pas finie quand même. Oui oui oui je sais. Il se pose et il attend. Mais non mais... Tu sais il pique une bouteille de... De sang de vie. De sang de vie à Goulat, sans rien lui dire, comme ça, il se verse un verre. Pour le coup, oui, je ne suis plus. Enfin, je suis avec le chef. Bah, j'essaie d'escorter les gardes, j'imagine qu'ils vont le torturer un coup pour choper des infos directes. Mais, enfin, tu voles, pourquoi tu veux pas jeter des bombes dessus? Mais j'ai pas envie, déjà, je me suis fait défoncer ma gueule tout à l'heure. Bon, du coup, tu fais ça, du coup. Ouais, clairement, oui, c'est pas à moi de défendre la ville. Hein. Goulat, qu'est-ce que tu fais? Bah dans mes souvenirs, oui. C'est à ce moment-là où il y a eu un soldat vraiment héroïque hein, de l'armée qui volait, je sais pas de quel genre d'espèce c'était, une espèce volante. Ouais. Et en fait, il avait pris plein de grenades avec lui et il est parti tout balancer sur le bélier. Ouais. Et je me souviens de lui parce que je lui avais un peu parlé juste avant que je me lance à la bataille et que... Il avait l'air d'être un héros un peu comme moi, tu vois, mais en moins riche. Voilà. Ça passe. Vous voyez Frost. Why not? Maintenant, voyons voir. Et Frost. Non. Du coup, c'est moi qui ai le choix des blattes. Hein. Un héros moins riche. Oh, attends, c'est marrant parce que je viens de tirer une noire. Oh, il explose sur place en prenant les bombes. C'était trop lourd pour lui, il tombe. C'était vraiment héroïque. Ouais, mais il était moins riche. Il y a ce héros que tu vois qui prend une caisse. Il a confondu, il a pris son argent, tu sais, il a acheté ses pièces. C'est ce héros. Non ! Qui, tu vois, prend une caisse de grenades et s'envole avec et commence à les jeter. Il y en a plein qui tombent, malheureusement ça touche pas vraiment beaucoup le bélier, il est un peu touché, mais pas plus que ça. Bon, par contre ça tombe à l'intérieur, ce qui fait qu'il y a des pertes alliées et ennemies. Ah ouais, ah, c'est pour ça que je me souviens de lui en fait. ça je m'en souviens. Voilà, donc dans tes souvenirs, effectivement ça s'est passé comme ça, mais bon, c'était pas ouf. Hein. ouais. Ton héros il est pas ouf. Hein. Il... Ouais, mais c'est parce que c'était moi le vrai héros. T'as pas des souvenirs toi de la bataille Très bien, donc... Le. Quoi, c'est à moi qu'on a parlé? Est-ce que t'aurais des souvenirs de la bataille? Oui, à un moment. À un moment, je me transforme en centaure géant de la taille de 2 humains, et puis je piétine tout le monde. Et voilà. Ça va, ça marche. L'escargot, le héros. Il y a le méchant et crédit que les fonctionnaires, du coup. mais en vrai, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté avec ça, moi. C'est vrai. Du coup, le bélier recommence à prendre de la vitesse. Son sort n'est pas infini, mon cher Lécura. Et en prenant la vitesse, il fonce sur la porte, ça crée un énorme trou. La porte est ouverte, c'est-à-dire que les armées vont pouvoir commencer à rentrer. Même si vous êtes en position de... Alors, bélier, techniquement, un bélier, ça a besoin de pas mal de coups et c'est assez lent à frapper la porte, un bélier. Oui, mais celui-là, je rappelle, fait ouais, genre pas la taille de la porte. C'est un bélier magique. Déjà, c'est un bélier magique. Et de deux, vu l'heure, j'accère des fois un peu les événements. C'est vrai. Alors, à part si tu as envie de finir à 4 heures, hein, là, y a pas de soucis. Mais... Non, je suis fatigué. Non, y en a qui bossent demain. C'est pour ça que j'accélère le vite. Donc, il rentre. Charlie, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, au niveau des gardes, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le chef? Bah là, du coup, ils l'ont escorté à l'intérieur, il y a B qui vient de rentrer, donc du coup, genre, ils balancent dans une cellule rapidement et ils retournent parce que c'est un peu la merde. Je me remplis au niveau de mon garde du corps. Ok, tu te mets derrière lui. Moi. Très bien. Et je regarde comment ça se déroule. Ok. Tu vois que les petit à petit, les blafards sont en train de rentrer dans la ville, en train de commencer à saccager un peu tout dans la bataille. Ils sont en train de gagner ? Non, mais c'est assez suffisant quand même pour faire du dégât matériel. Bah... Ok, je reste en repli, je veux pas me battre. Moi, je me souviens d'un truc. Oui. Je me souviens de ce passage secret dont on m'avait parlé pour aller au possible au sang chaud en cas d'attaque. Ah, mais bien sûr, pris. C'est vrai quand t'avais pas fabriqué ton armure là. Oui. Oui, voilà, c'est ça. On m'a dit ah oui, si jamais la bataille tournait un peu mal ou que l'ennemi entrait dans la cité, il y avait ce passage secret là qui divisait par 3, par 4 même le temps de trajet avant d'aller. Pour aller jusqu'au sang chaud. Moi j'arrive à cet endroit. Bah oui, forcément. Je les vois. Et donc j'ouvre cette. Je me souviens avoir ouvert cette cage et avoir lâché les sang chauds sur nos adversaires. Très bien. Du coup, et c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Toi tu connaissais ce raccourci, donc tu l'as pris, tu ouvres la porte, tu te décales sur le côté parce que bon, il y aura des sang chauds en furie, ça fait mal. Même dans ça. De quoi ? Désolé. Je pense vraiment qu'à ça. Je vois juste le pauvre sang chaud du site et dehors, assez enfermé dans sa pauvre cage. Mais tu sais, genre en fait, non, c'est pas un seul sang chaud, on est plusieurs comme ça. C'est comme des Pokémon. C'est comme des Pokémon comme ça qui disent leur propre nom sang chaud. Ok. Oh putain, je crois qu'il est 1h40. Et qui font sur la vidéo sur les médias. Enfoncé dans la barre et qui corrent avec des énormes coups. Je conseille de m'envoler aux gens de se replier si ce sera pas mieux d'amener parce que là vous risquez de prendre cher. De toute façon je vole. Mais de toute façon ça fait des trucs moi même sans ça. Bah oui. Je peux lancer des quartz sur les sang chauds. C'est les sang chauds qui est comme ça, en fait leur cri c'est l'air des cités d'or. Ok, nous allons se passer. Les sang chauds c'est des rats en fait. C'est plein de rats. Il y en a ceux qui sont dans la ville ici, oui. Mais tous les sang chauds ne sont pas des rats. Ah oui, non, mais je parle de ceux actuellement présents. Oui, ceux actuellement présents, oui, c'est des rats. Ok. Charlie, qu'est-ce que tu fais ? Je reste en repli encore une fois avec mon garde du corps. Très bien. Valio, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de voir à accélérer le temps sur. Sur Brute pour qu'il puisse s'enfuir. Ok. Oh, c'est trop mignon ! Elle a vieilli, elle est meurt. Alors. blanc, noir ou blanc ? J'aime bien sauver la vie, donc. Blanc. Noir, fais-le mourir. Alors ? À part si tu veux utiliser, bien entendu. De toute façon, ma blade de chance, c'est blanc. Ah. Bon, tu prends blanc ? Ouais. Ok, tu te concentres, mais Brute, t'es malheureusement un peu trop loin, t'arrives pas à le matérialiser pour pouvoir l'accélérer. Désolé. T'es mais... mais. C'est encore ton tour, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est quoi cette animation de merde là ? Encore ton tour. Ah mais on en parlera après. Il se trouve que en fait je continue à faire ça quoi. Ok, donc tu réessayes. Oh, rouge, vert ou vert ? Bah rouge. Ah bah là t'es vénère, t'arrives à accélérer le temps. Prends ta blade blanche. Ah bon. Brute, tu sens le temps de s'accélérer, t'as le temps de faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais ? Je chope le dernier qui passe à portée puis je m'envole et je vais récupérer l'araignée. Ok, t'arrives. Regarde comment ça se passe. Ça se passe bien. Tu butes le premier qui passe à ta portée. Et puis tu t'envoies là-bas. Ouh là, attends, tu fais des sang chauds. Et puis tu viens récupérer. Et tu viens récupérer. L'araignée, tu vas écouter. Je vois vraiment mon vidéo. Ça, on verra plus tard. Déjà, j'embarque et on s'envole. On vous rassure. Vous. Ah putain, les dessins originaux, c'est. Bref. Du coup, vous arrivez, vous mettez tout ça à l'écart, ce que j'ai bien compris. Exactement. vous êtes à l'écart. Il y a Goula en train de balancer des petits morceaux d'ambre qui la menait un peu les sentiers qui se préparaient sur la bataille. J'achète la victoire. Et oui, les sentiers. Si j'achète. D'écraser littéralement les ennemis de manière ultra rapide. Mais il y a un putain de plume blafard qui arrive. Tu remarques quelque chose. Ah. Parmi tous les sangs chauds, hein, donc il y en a facilement une bonne dizaine, il y en a, tu sens qu'il y a un comportement bizarre et en concentrant dessus, tu peux remarquer des traces de la souris. Oh, ça marche aussi sur les sangs chauds, non, mais. Ah. C'est qui remarque ça? C'est moi ou c'est l'Ifulera? J'ai entendu que ça finit. Ah. De qui c'est l'Ifulera? C'est moi qui remarque ça? Ouais. En voyant ça, ouais. J'utilise la sphère magique de la vie. Ouais. Mode pouvoir attaque. Ok. Je veux boire son âme. Ça arrive tous les jours. C'est moi qui ai le choix, je te mets un échec parce que bah non, c'est le moment où je suis méchant. Désolé. Tu te concentres, mais dans la panique, t'arrives pas à bien trouver. En plus, t'es en train de voler sur Amy Bourgout, c'est pas ton élément naturel, t'es pas. Exactement. C'est pour ça que j'ai mis un échec. Je ne serais pas de réussite critique qu'arriver à ce moment-là, ça serait con. Du coup, vous arrivez, vous voyez le sang chaud, tu vois qu'ils vont avoir un comportement bizarre. En fait, petit à petit, il arrête d'attaquer les blafards et il se met à attaquer d'autres sang chauds. Et après, ça commence à reprendre. Il est sur, du coup, deux sang chauds qui s'affrontent. T'imagines les dégâts que ça fait sur une ville d'intre. Tous les bâtiments vont s'effondrer. C'est le combat de Godzilla contre Gamera. Voilà, Gamera, si tu veux. C'est genre vie, donc c'est vraiment, pour le coup, vraiment anarchique comme situation. Mais après, le temps de réagir, vous voyez que du coup, les soldats essaient de l'attraper. Je suis désolé, bien entendu, je fais que le plus rapide possible, vu l'heure. Je ne fais pas le plus rapide que le temps possible. C'est bien. Donc, vous voyez, donc, ça sera de partir. Malgré tout, la menace blafarde semble majoritairement éliminée, le reste c'est des blessés ou des fuyards, parce que vous voyez que là, il en reste un maximum, tu vois, sur tout ce qu'il y avait. Vous en avez tellement déchiqueté, plus les seront chauds, que là, ils se sentent en infériorité, et du coup, ça fuit. Mais, votre priorité, et du coup, maintenant, se sent chaud. Là, qui est blafard, merde. C'est terrible. Il leur faudrait que comme ça, il y en ait un caché parmi tous les autres, comme ça, qui sont un peu différents, genre en négatif. Ah, maintenant, il y en a déjà un qui a un bonnet vert. Oui. J'essaie de terminer au plus vite pour votre sommeil. Oui, t'as raison, désolé. Vas-y, je vais déposer notre araignée nationale et je vais commencer à sauter sur le sang chaud. Sur le sang chaud? Oh merde. Bref. Non, désolé, enfin, genre, d'habitude je t'aurais laissé faire, mais là c'est pour accélérer le truc. Là, moi je vais m'éloigner avec mon garde du corps pour qu'il me protège. Très bien. Du coup, vous voyez ce truc combat, personne, désolé, hein, même si je t'aurais laissé faire des petits bourreaux. Je veux niquer ton scénario. Non, et puis vu l'heure, il faudrait peut-être que je le. Hein. Donc, effectivement, vous avez peur, etc. Donc vous éloignez, vous laissez un peu le truc passer, vous voyez que. Malgré tout, la garde essaye un peu de calmer, mais il en furie et commence à simplement partir en détruisant tout sur son passage. Mm-hmm. Suite à cela, il a été donc du coup confié donc avec une partie militante de la garde, une partie volontaire, de simplement repartir à la recherche de sa nature et de la tuer avant qu'elle détruise d'autres cités du Croissant Vert. Mais ça pourrait être cool, ça limite de le faire. Enfin, je propose juste. Bien entendu, soit, c'est pour 1000 de plus à notre paye. Bien entendu. Ouais. Ouais. Donc en fait, au final. Moi, je veux faire une autre partie qui commence à ce moment-là. Je suis pas tout à fait. Tu me laisses faire. Donc, ben, regarde comment le MJ est intelligent quand il a plus le temps. Vas-y. Donc, vous êtes mis, du coup, vous avez accepté pour 1000 encore plus. Enfin, même pas pour 1000, c'est pour redoubler le double que de ce que vous gagnez. Vous passez à 13 quarts de récompense chacun. Bon, pour Brut, ça veut rien dire, il sait pas ce que ça veut dire 4000 quarts, mais... Pour moi non plus, parce que je me sers pas de quartz. Oui, tu chez toi, c'est un truc... c'est un peu ce hippie qui regarde ce grand... Je regarde l'argent du style, du genre... Ouais. Tant pis, tu donneras à Brut, comme ça il sera... Ouais, voilà. Et du coup... Bah, ça fait des heures que vous marchez. À la recherche, du coup, bah, de ce sang chaud qui s'est évadé. Vos pattes commencent à faiblir, hein, ça fait quand même longtemps. La nuit est tombée, alors que la nuit tombait à peine au début de la bataille. Là, il fait nuit complètement. Dans les souvenirs, il faisait jour. Non, alors... Le froid de la nuit ralentit vos mouvements. Vous sentez que vos mandibules, vos antennes, fournissent moins d'informations que prévu. Cependant, vous le savez, ce que vous traquez, hein, c'est un sang chaud, c'est même son nom. Et le froid de la nuit, ça importe peu. S'il vous trouve, vous êtes mal. C'est vous qui devez le trouver. C'est vous qui devez avoir la priorité sur lui. Mmh. Et oui, effectivement, il serait plus prudent d'attendre le lever du soleil pour partir à sa recherche. Mais vous l'avez vu, les dégâts qu'elle a provoqués déjà dans la cité, dans la bataille. Arrête, avec Sancho. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Les dégâts qu'elle a provoqués, rien qu'en une bataille, en moins d'une heure... présage rien de bon pour les autres cités si jamais elles tombent dessus. Ouais. Du coup, vous devez la trouver, hein, c'est votre mission. En plus de ça, la récompense à la clé est largement honorable, hein, plus de 4000 quartz chacun. Et vous enfoncez du coup dans les feuillages. La terre est humide, c'est-à-dire qu'il a commencé à pleuvoir peu de temps après votre départ. Vous continuez du coup à rechercher la moindre trace de cette créature vous sera utile. Vous devez pouvoir prendre le dessus sur elle. Vous êtes éclairé par volontaire et vous continuez votre arrêt pas à pas, vous vous approchez du but. Vous pressentez que vous êtes non loin maintenant que vous continuez d'avancer, bien entendu, au sol, parce que déjà vous attendez à une grande lutte, donc il faut économiser l'énergie, mais vous sortez déjà d'une grande lutte qui vous a pris de l'énergie. Donc dans un tel froid, vous continuez d'avancer, et histoire de remettre un peu de ligne, vous reposer sur de choses, vous organisez une petite halte. Le silence est total. Vous êtes, bien entendu, concentré sur votre tâche, hein, donc vous faites gaffe au moindre bruit qui peut arriver. Mon bisou. Et le bisou, bien entendu, hein, qui se fait discrètement entre Lilufra et Brut. Un peu dans le noir, à l'abri. Bah, je suis une arnaque de parole, je lui ai promis un baiser. Et il faut ce baiser. De toute façon, je comprends pas vraiment comment ça marche chez les antres, du coup, je fais comme j'imagine que ça marche. C'est-à-dire que je le fais comme la première fois, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est je tapote mes palpes sur sa joue. C'est vraiment, ça va pas plus loin que ça, et je comprends pas vraiment ce délire des intres avec, avec leur sexualité si débridée. Enfin bon, de toute façon, Boursouffleur est une personne que j'apprécie. Tu t'emballes. Et une personne que ça me ferait chier de le voir mourir, d'autant plus que nous avons déjà combattu ensemble plusieurs fois. Et que j'ai l'impression que nous avons une bonne synergie de groupe. Et donc, du coup, au moment où tu fais ce bisou d'amour, vous entendez un craquement. Une énorme masse sort face à vous, et c'est ça, hein, c'est cette créature. C'est le Sancho. De tuer, pas Sancho, Sancho. Sancho. Il a le poil hérissé, il a le regard rouge. Et vous avez à peine le temps de réagir. Il a les yeux revolver. De votre peau, ferme-la, que elle écrase une partie de vos compagnons. Les mercenaires qui vous avaient tout simplement accompagnés, enfin les gardes, se font juste détruire. Vous avez tourné à peine le regard, que vous voyez juste leur corps déchiqueté au sol, et vous devez de réagir. Mais ça serait une autre fois.